fou de Mathieu Plante. 89.1. Cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans Television, John Stewart quitte le Daily Show et Brian Williams suspendu pour 6 mois. C'est comme imaginer ces fous 131 heures de Mathieu Plante par semaine, c'est impossible. Dans Segment Geek, Célix, une Coréenne se fait aspirer les cheveux par un aspirateur robot. Il fallait être plus clair dans sa commande de fantasme. Se faire tirer par les cheveux, c'est vague. Et dans Merci Science, le sixième sens devient réalité grâce à la peau électronique. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence tout de suite. Et voici celui qui possède un septième sens, celui d'être Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante et ça fait, je crois, 17 fois qu'on dit Mathieu Plante depuis les dernières secondes. Aujourd'hui, à l'émission, la chronique télévisuelle Television, le segment Geek CNX, c'est un fait Tech Edition et la chronique de science, technologie et médecine Merci Science. On va aussi continuer notre série musicale DKC Mixed Ape 94 sur la musique de la série Donkey Kong Country. On a presque terminé ça. Par contre, pour commencer l'émission, comme on le fait aux deux semaines, c'est le moment de passer à la chronique de jeux vidéo rétro. Hein? La chronique de jeux vidéo rétro avec notre ami Samuel Girard. Avoue que c'est merveilleux, hein? C'est accrocheur, ça. Salut, Samuel. Salut, Mathieu Plante. Ça va? Ben oui, je le dis, Mathieu Plante, une fois de plus sur le lot qu'on a depuis le début. C'était pas assez. On se demande c'est qui anime déjà cette émission-là. C'est quoi, j'ai le nom sur le bout de la langue? C'est pas moi, en tout cas. C'est pas toi. Toi, c'est Génie en liberté les jeudis à 9h30. Hey, appelez ça. Oui. Hey, belle façon de placer ça. Ben, ça me fait plaisir de faire les plugs. Non, aujourd'hui, t'es là pour ta chronique de jeux rétro, comme toujours. Et je t'avais demandé quelque chose de spécial il y a quelques temps. Et je pense que mes souhaits sont maintenant exaucés. Et oui. Donc, tu m'avais demandé de parler d'une console obscure que les gens connaissent moins. Alors aujourd'hui, j'ai prévu une petite chronique sur le Vectrex, une vieille console préhistorique, comme je l'ai annoncé sur Facebook pour ma chronique. Alors, on va reculer pas mal. J'ai jamais entendu parler de la Vectrex, je suis ignorant complètement. Ok, donc je vais te faire découvrir ça. Peut-être qu'avec un peu de chance, tu vas avoir le goût de l'essayer à un moment donné. On va voir, peut-être qu'il y a un émulateur de ça, on sait pas ça. Oui, il y en a un. Ah, je vais y revenir. Voilà. Exactement. Juste avant qu'on se lance dans le Vectrex, j'aime ça faire des petits retours sur ma dernière chronique. Oui, alors, qu'est-ce qu'on cherchait il y a deux semaines? C'était Kanye West, celui qui est censé placer Paul McCartney au sommet. Oui, c'est ça. Ça a l'air décousu de le dire là, mais en effet, c'était Kanye West. C'est ça. Donc, je sais pas pourquoi, s'il m'est passé une bulle après, j'ai dit, faut que j'en parle. Et le mot de passe est Kanye West. Une autre chose, on m'a en tout cas, il y a une j'ai une amie qui a écouté mon extrait de la deux semaines et qui a ri de moi. Donc je me suis dit, puis elle l'a tellement fait plusieurs fois, elle m'a tellement rappelé que je dis OK, je vais le corriger en onde. Quand que j'ai parlé de Alice au pays des merveilles et que j'ai imité le fameux lapin qui dit I'm late for an important date, en allant vite, j'ai traduit en disant qu'il était en retard pour une date importante. Ah, okay. Mais on peut pas remplacer date par date. C'est plus un rendez-vous galant, maintenant. C'est ça. Ouais. Donc, il est en retard pour un rendez-vous important. Moi, c'est je l'avais fait. Compris, moi. Oui, je le sais, ouais. Mais vu qu'elle a rien de moi, j'ai dit, je vais le corriger d'abord. Est-ce que tu peux rire d'elle pour quelque chose d'autre, mettons, là, c'est le fun? Ouais, non? Mais j'oserais pas. Des fois, ça serait mal placé. Ouais, c'est ça. Non, mais mec, je retourne prendre un café avec, je te jure que je ne la manquerai pas sur quelque chose. Pow! Je vais prendre ma revanche. Et une chose aussi que j'ai remarqué à propos du hashtag MPS, okay. Une chance que le T est pas près du P sur le clavier, ça pourrait faire une faute de frappe assez malaise. MPS. Ah, j'avoue. Une chance que je n'utilise pas mon vrai nom en onde qui est Mathieu Tousigny en plante. Hein. C'était le Mathieu Tousigny en plante. Je crois que Mathieu Tousigny en plante, hashtag MTPS sera un peu long peut-être. Hey, on vient tellement d'apprendre quelque chose sur toi aujourd'hui. Ouais, merci. Hey, c'est bien. Ben ouais. Et oublie ça tout de suite, go! Ben oui, c'est ça. Alors, le Vectrex qui est sorti en 1982 avec la compagnie Western Technologies Smith Engineering. On remonte en 1982. Et qu'est-ce qui a amené ça un peu? Alors, on avait une lutte à trois à l'époque. La lutte à trois étant la Atari, le ColecoVision et l'Intellivision. OK. OK. Alors, 1978 à 1980, c'était les consoles qui prenaient place sur le marché. Et c'est ça. Donc, en fait, il y a un quatrième joueur qui a voulu s'ajouter. Mais quand on regarde aujourd'hui, on a ça une lutte à trois entre Nintendo, PlayStation et Xbox. Exact. Donc, on est habitué avec les luttes à trois. Ouais. Donc, si on recule à l'époque, on est habitué, on se dit « OK, il y avait une lutte à trois, c'est parfait. » Mais là, il y a un quatrième joueur qui veut s'ajouter. Comment se démarquer avec les trois consoles qui sont déjà présentes sur le marché et qui vont bien? C'est comme le Parti Vert. Comment tu veux percer, tu sais, mettons? Oh, en politique, je sais pas. Bonne analogie. Excepté qu'il y a un homme derrière le Vectrex, Jay Smith, de Smith Engineering. Jay-Z, oui. C'est lui avec Kanye West et Paul McCartney. Pas tout à fait. Okay. On parle d'un ingénieur ici. Ne ris pas de ma profession, non, s'il te plaît. Non, jamais j'oserais. Donc, lui décide de participer au marché. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a participé pour la console, le Vectrex. Il a réussi à la mettre sur le marché. Donc, lui avait déjà travaillé sur la MicroVision, qui était une console portative qui contenait 13 jeux. Donc, des petites cartouches qu'on insérait, ça faisait des petits jeux très simples d'arcade. Ouais, de base. Mais vraiment de base. Et il y avait aussi le Game & Watch. Sauf oui, que ça, ben une console, c'était un jeu. C'était, c'est pareil comme une Nintendo DS, mais en noir et blanc avec juste un jeu. C'est ça. Un seul écran où les choses s'animent très, très minimalement. Exactement. Mais la forme est la même. Donc, si on voulait plusieurs jeux, il fallait acheter plusieurs consoles. C'est exact. Donc, mais il était tout de couleurs différentes. Fait que oui. C'était mieux que les modèles de Nintendo 3DS qu'on a de nos jours, où il n'y a pas tant de couleurs que ça. Il y en a comme quelques-uns. Ben non, mais maintenant, ils sortent des Nintendo 3DS thématiques. Ouais, c'est ça. Exact. Mais en tout cas, on se comprend. On se comprend. Donc, c'est ça. Donc, c'était les premières consoles portatives. Mais là, c'était d'amener quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que lui a pensé, c'est qu'il s'est dit pourquoi ne pas combiner le meilleur des deux mondes entre l'arcade et les consoles maison. Okay. Donc, il a fait une arcade miniature. Oui. OK. Donc, c'est une télévision en tant que telle, 8 pouces si je prends d'une diagonale à l'autre l'écran. Okay. Évidemment, la console est assez épaisse. On peut parler peut-être d'une dizaine de pouces d'épais, peut-être vers un pied. Donc, quand même, ça prend de la place. Okay. Donc c'est ça. Et c'est une. On n'avait pas besoin de la brancher dans la télévision. C'était sa propre télévision. Exactement. D'accord. Donc ça permettait aux familles de libérer la télévision. Donc si les parents voulaient écouter la télévision et les enfants voulaient jouer à leurs jeux vidéo, il n'y avait plus de problème. Tout le monde s'entendait à l'époque, là, la paix sur Terre. Ben exactement. C'était un avantage par rapport aux autres consoles. Ouais. Donc déjà ça va bien. Ensuite, l'autre avantage, c'était au niveau des pixels. Okay. Les consoles, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pixelisaient leur image, mais ça limitait qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Okay? Donc, les mouvements étaient plus saccadés. On ne pouvait pas zoomer sur des zones, les pixels devenaient plutôt laids. Mm-hmm. Donc, ce que lui a décidé de faire, l'ingénieur, c'est d'utiliser le principe des vecteurs. Ouais. De là, le nom de la console, Vectrex. Mm-hmm. Avec les vecteurs, ceux qui ont étudié en géométrie vectorielle... comprennent que chaque vecteur, on peut leur appliquer des opérations. Des opérations pour faire varier sa longueur, donc allonger, rapetisser, et faire des rotations. Et on peut combiner des vecteurs point à point pour créer des formes. Un peu comme les polygones rendus à l'époque du Nintendo 64. Exactement. C'est des points avec des lignes entre chaque et c'est, tout ce que t'as pris en compte, c'est des points. C'est les principes des vecteurs. C'est bien. T'as tout compris. Comme Illustrator. Oui. Adobe Illustrator. Ceux qui font du graphique. Graphisme, design graphique. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que avec ça, ils pouvaient justement zoomer sur des zones précises, des formes précises, et aussi faire des rotations d'objets. Mm-hmm. Ce que si on jouait à l'Atari, on ne pouvait pas faire. Ben non. Donc, le personnage, si on voyait les bras avancer, c'était juste les pixels qui se déplaçaient. C'était assez laid. Ouais. Il n'y avait pas de rotation. Donc ça, c'était un autre avantage de la console. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est que la console a bien percé le marché. Ah oui, pour vrai? Oui. Cool. Donc 1982, en 1983, la compagnie Milton Bradley, qui est assez connue. Les jeux de société, entre autres. Exactement. C'est en plein ça. Achète Western Technologies et s'occupe de la deuxième partie de la vie de la console. C'est là que c'est mort, hein? Non. Non? OK. Non. J'attends la mort. Donc, donc ça, c'est 1983. En 1983, il y a eu le crash des jeux vidéo causé par E.T. À la console Atari. Là, la console prend un coup. Et c'est en 1984, donc un an plus tard, que là, la console devient discontinue. Ah. Donc, il n'y a rien qui est fait de nouveau pour la console. Elle reste comme elle est là. Mm-hmm. Juste donner une idée, son prix de vente initial, c'est de 199$ sur le marché. Donc, avec Western Technologies, juste donner une idée, aujourd'hui, ça équivaudrait à 470$ selon l'inflation. Quand même. Donc, c'est une console assez dispendieuse pour l'époque. Quand que Milton Bradley a fait l'acquisition de la compagnie, il a réussi à réduire le prix à 150$. Okay. Donc ça, ça l'a aidé pour la mise en marché. Mais là, il y a eu le crash de l'industrie du jeu vidéo. Et là, la console a baissé à 100$. Donc là, perte de profit. Et c'est ce qui a fait qu'éventuellement, ils ont juste arrêté la production de la console et des jeux. Mm-hmm. Donc ça fait en sorte que la quantité de jeux aussi est limitée. Mais quand même, ils ont eu le temps de sortir beaucoup de bons titres. Et je pense pas qu'il y aurait eu place à avoir beaucoup d'autres jeux. Je dirais que la console allait assez bien de base avec ce qu'elle avait là. T'as une collection de Vectrex ou t'as seulement la console? J'ai la console et j'ai 11 jeux. 11 jeux sur, mettons, en général. Je pense c'est entre 30 et 40 jeux. Quelque chose comme ça, OK. Donc, c'est quand même c'est pas si pire dans les circonstances. Mm-hmm. C'est ça. La console vient avec deux manettes. Et il y a aussi, on peut la brancher dans le mur. Je lui ai fait une petite recherche. Une manette en bon état, 100$ sur le marché aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est des pièces rares. Ouais, hein. Donc, c'est ça, la manette, la manière qui est faite, est rectangulaire, faite sur le long. Okay. OK, on a le joystick pour notre main gauche. Le vrai joystick, là, c'est pas juste des flèches, c'est vraiment un joystick. C'est vraiment un joystick. Okay, ouais. Sauf que, qu'est-ce que j'ai remarqué avec le joystick en l'essayant, c'est qu'il est vraiment fait pour les mouvements haut, bas, gauche, droite. OK. OK. Donc, c'est saccadé un peu comme mouvement, il va pas super bien. Si vous avez en tête un joystick de Nintendo 64, ouais, que vous pouviez faire des rotations n'importe comment, ça, vous faites pas ça avec cette manette-là. OK. Ou du moins, bonne chance. Ouais. Ça se peut que vous trouviez ça dur pour le pouce. Il y avait 4 boutons. Oh. Ce qui était différent les autres consoles qui n'en contenaient qu'un seul. Ou ceux qui avaient un clavier de téléphone. ColecoVision avec le 1 à 9 avec le 0. Ça, hein. C'est incroyable. Ouais. Ça ou le Magnavox Odyssey 2 qui avait un clavier d'ordinateur ouais, complet dessus. J'ai jamais compris à quoi ça servait. C'est pas grave. Peut-être qu'il y avait des idées à faire avec ça. Tu vas marquer ton nom quelque part. J'ai fait le clavier. Ouais, mais il n'y a aucun jeu qui s'en sert. C'est pas grave. Ça fait beau. Ça a l'air vrai. Ouais, c'est ça. Donc ça, les manettes, donc les boutons sont placés horizontalement. Complètement, il n'y a pas de diagonale, juste exactement, okay. Donc ils sont tous un à côté de l'autre. Ça fait en sorte que c'est difficile de passer d'un bouton à l'autre. C'est ça. Surtout si vous passez du bouton numéro 1 au bouton numéro 4. Ben oui. Et y a quand même les boutons sont grands et il y a de l'espace entre chacun. Bizarre. Donc c'est quand même une bonne manette. L'ergonomie. Ben, en même temps, pas si pire, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui jouaient avec la manette sur un bureau et ils plaçaient leurs 4 doigts, un par-dessus chaque bouton pour jouer. OK, ouais. Donc c'est quand même pas si pire que ça. Mm-hmm. C'est peut-être juste qu'on n'est pas habitué avec ce mode de jeu là. Chercher une photo de la manette, c'est pour ça que je. Ah ok, ben c'est ah bien. Oui, ok, oui, c'est assez massif quand même. Ouais, en passant, j'ai mis une vidéo démo sur la page du Mathieu Plante Show. Donc dans la vidéo démo, je montre la console, où est-ce qu'on place le jeu, donc sur le côté en bas. Je parle dans la petite télévision. Ouais. Où est-ce qu'on branche la manette, je monte la manette et je joue un jeu. Ouais. Donc, c'est ta console, c'est toi qui fais la démonstration. Oui, je fais la démonstration. Exactement. La manette a un fil tire-bouchonné. Exactement. Donc ça va bien son tir après. Ouais. Donc le fil est court, mais t'as une marge de manœuvre supplémentaire. Ça. Donc ça va bien de ce côté-là. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah ouais, ils ont aussi décidé qu'il y avait des lunettes pour créer un effet 3D. Mm-hmm. Donc les vecteurs en noir et blanc, il y avait une possibilité avec des lunettes comme ceux qu'on avait dans les boîtes de céréales. Ouais. Là, les, de carton? Non, les lunettes sont pas en carton, okay, mais le principe rouge est et le bleu même. C'est ça. D'accord. Donc ça devenait créer un petit effet 3D sur l'écran. Ouais, si on veut. Hein. C'est ça. Mais ça devait pas être terrible. Je l'ai pas essayé. Okay. Donc ça s'appelait le 3D Imager. Donc ça a été sorti un peu plus tard, donc pour venir en support à certains jeux. Il y a aussi un stylet qu'on peut acheter. Hein? Oui, donc pour toucher l'écran. Ça okay, fonctionne sur certains jeux. J'ai pas le jeu, je crois, qui demande ça, et j'ai pas non plus le stylet. Okay. J'ai vérifié, le stylet se vend à combien? Je l'ai trouvé à 140$. Aïe! C'est un stylo. C'est sûrement un morceau de plastique, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de conducteur dedans pour faire passer le. Oui, mais je pense que c'est l'effet rareté aussi. Oui, aussi. Hein. Donc c'est ça le problème. Les cassettes, donc c'est des cassettes un peu comme Atari, ColecoVision et télévision, donc les cassettes rectangulaires, mm-hmm, tout ce qu'il y a de plus simple. Classique. Rien de si pire que ça. Ensuite, elles viennent avec un plastique. Donc chaque jeu vient avec un plastique, livret d'instructions, oui, plastique qu'on colle, ouais, à l'écran. Donc la console est en noir et blanc, mais si vous voulez ajouter de la couleur, des graphiques supplémentaires, vous colliez le plastique à l'écran. Malade. Et dans le bas du plastique, vous aviez les boutons faisaient quoi? Okay. Donc les boutons 1, 2, 3, 4 faisaient quoi dans le jeu? Wow. Donc c'est quand même quelque chose dans ce contexte-là. C'est fun. Mais oui, je trouve ça bien. Ben oui. Sauf que là, il faudrait que je vérifie les jeux. Est-ce que j'ai les plastiques? OK. Parce que je m'en rappelle pas quand j'ai acheté. Est-ce que j'avais juste les jeux ou si j'avais aussi le kit complet qui venait avec. Parce que c'est pas parce que t'as les 11 jeux et la console que tu joues à ça sans cesse non plus. Là, entre autres, c'était la deuxième fois que je jouais quand j'ai fait le démo. Ouais. Ok. Donc j'avais essayé mes 11 jeux, voir si ça fonctionnait. Je l'ai essayé la console, ouais. Mais je me rappelle pas si j'avais eu avec les plastiques. Okay. Je vais fouiller dans mes affaires, sûrement que j'ai les à quelque part. Sinon, il va falloir que je me les procure. Ben voilà, à 150$ le plastique. Ben c'est ça le problème. 5$ un jeu, mais si tu veux l'acheter avec le plastique, ben là tu vas peut-être payer 30-40$ du bonne jeu. Bonne chance, c'est juste ça. Juste pour avoir le kit complet. Si tu le veux mint, tu le trouveras jamais. Le jeu dans sa boîte scellée. Bonne chance. Sûrement. Il y en a sur eBay. Okay. Si vous cherchez. Cool. C'est ça. Actuellement, la console, c'est possible de la trouver pour 300$ usagés sur Internet. C'est pas si pire. Si vous voulez avec la boîte, ouais. Parce qu'il y en a qui vendent la console dans sa boîte d'origine. Ça, c'est des gens vraiment qui prennent soin de leurs affaires. Ouais, je dis pas que la boîte est en bon état, mais il y a la boîte. Déjà, c'est quand même mieux qu'un. Ouais, on peut doubler le prix. Oh. Donc, on peut aller qu'un 500-600$. Et je crois avoir trouvé des gens qui vendaient la console encore dans sa boîte d'origine, en très bon état. Et là, on parle de plusieurs milliers de dollars. Ouais, mais c'est ça que tu disais que c'est une console qui a eu un succès, donc qui a réussi à percer le marché. Donc, sûrement que la rareté n'est pas si rare que ça. C'est juste que les gens qui l'ont veulent la garder pour eux. Parce qu'il doit en avoir beaucoup. Ça a été un succès. Là. Ça n'a pas été. C'est un succès, ça. Mais quand même limité par rapport à d'autres consoles. C'est pas l'Atari 2600, mais quand exactement, même. Exactement. Atari 2600 que je viens de m'acheter. Oh, pour vrai, cool. Oui, je l'ai acheté une la semaine passée. Génial. Je l'ai reçu lundi. Donc, je me suis amusé à jouer à ça hier un peu. T'as pas réussi à trouver E.T. dans un désert du Nouveau-Mexique? Non, mais là, en fait, j'ai reçu 78 jeux avec la console. Wow. Donc, j'ai pas vérifié si j'ai E.T. ou non. Wow! Peut-être. Ça pourrait s'en vendre, mais non, tu veux pas vendre ça. Mais non, je vais le garder. Ouais. Écoute, d'avoir le jeu qui a causé le crash des jeux vidéo en ma possession. J'ai un de mes amis qui l'a mis sur une tablette, puis c'est tout juste s'il a pas rajouté des lumières dessus. Ah. Ouais. Donc, un de mes amis qui est collectionneur comme moi. Ouais. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ça a failli tuer sa plus grande passion dans la vie. Mais il a mis ça sur une tablette bien exposée. Oui, ça a causé un crash, mais après ça, ça a fait qu'il y a eu un petit un boost après ça quand ça a recommencé. Donc, s'il n'y avait pas eu ce crash-là, on n'aurait pas eu la renaissance des jeux vidéo, peut-être. C'est peut-être pour ça, tu sais. J'avoue, oui, effectivement. C'est comme si Jésus n'était pas mort, puis etc. Pas que on mangerait pas de chocolat, tu sais. Hein? Pareil. J'aime bien le lien entre la résurrection et le chocolat. Les E.T., Jésus, personnage fictif. Tu comprends-tu la comparaison? J'adore. Tu sais, j'aime mieux E.T. Ouais, oui, c'est bien. Parce qu'il y a une catchphrase. E.T. font nombre. Jésus, as-tu une catchphrase? À part, genre, tu feras rien jamais, pis tu sais, genre, il y a la répartition du corps du Christ, bon, et ainsi de suite, mais ça, c'est, j'aime mieux Fond Home. On va rester à ça, mettons, le gag fini là, ça va aller, ça. Ouais, c'est ça. Pas besoin de vraiment chercher une raison de rendre ça comme super inapproprié, pis se faire retirer des ondes. Ouais, j'avoue. Plainte au CRTC. Non, on va arrêter là. C'est bon. Ça, tu me rappelles pour, avec Banjo-Kazooie, quand j'avais parlé, justement, des aliens qui imitaient E.T., c'était excellent. Ouais. Donc, c'est ça, comment est-ce que la console a voulu percer le marché? Donc, ça, c'était une autre chose. C'est en allant chercher les classiques d'arcade. OK. Donc, ça, c'est une partie intéressante. Est-ce que les gens voulaient amener l'arcade à la maison? Ça a toujours été le but ultime de tes consoles de l'époque. Et là, c'est d'acheter des franchises pour recréer les jeux, mais sous le format Vectrex. Mmh. Donc, ils ont été chercher des jeux comme Asteroid, Berserk, Scramble et Pole Position. Génial. Donc, ça, c'était tous des jeux très populaires à l'arcade que avec les raison. Gens allaient jouer dans un salon d'arcade, dans un bar. Et là, eux ont amené ça de très bonne manière. C'était réussi, donc. Oui, exact. Donc, ça a attiré beaucoup de gens vers la console. Mmh. Donc, ça, c'est bien. Là, qu'est-ce que je me suis amusé à faire pour compléter, c'était de regarder c'est quoi les jeux que j'avais. Oui, ben parce oui. que je m'en rappelais pas. T'es 11 jeux. Ben oui. En passant à la console, pourquoi est-ce que j'ai réussi à en avoir une? Ouais. J'en ai trouvé une à 180$ avec pire, 11 ça. Jeux et la console marche comme une neuve. De où tu l'as acheté, mettons? eBay. Aux États-Unis, mettons? Ou... Oui, c'était d'un vendeur aux États-Unis. Okay. Sur eBay. Cool. Je vois ça 180$. Bite now! Et voilà! J'aime bien ce bouton. Je me suis pas cassé la tête. Quand j'ai regardé les prix autour, j'avais trouvé sur un site, le meilleur prix que j'avais trouvé, c'était 400$. Okay. Et c'était la console tout seul. Mm-hmm. Donc là, j'ai dit, OK, mais c'est cher. Là, je vois ça 180$ avec 11 jeux, 2 manettes. T'sais, le gars, il a pas fait ses recherches avant de mettre ce prix-là. Pour vrai, là, il aurait pu avoir beaucoup plus que ça. Il devait être désespéré. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Besoin de ouais, c'est ça. Fallait qu'il vende là. Donc, ouais. Je suis content d'avoir mis la main là-dessus. En passant, il y a deux manettes. Il y a deux prises pour brancher les manettes. Mais on peut pas jouer à multijoueur. OK. En fait, on peut jouer, mais à tour de rôle. Ouais, ben c'est ça. Ça a été comme ça jusqu'à ben tard. Oui, évidemment, il n'y a rien pour mémoriser les pointages non. du monde, donc il fallait que tu le notes toi-même. C'est pour ça le plastique, c'est que ça venait avec un Sharpie, tu marquais ton score sur la feuille oh! dans le coin de l'écran. Non, j'écrirais pas sur ces plastiques-là. Non, je tiens quand même à mes affaires. Donc, parmi les jeux que j'ai, donc j'en ai 11. Le premier, ben, en fait, j'y étais en ordre alphabétique, okay, tout oui. simplement. Armor Attack, donc un jeu de guerre. Il y a des obstacles rectangulaires dans une carte. Et le but, c'est de tirer sur des chars d'assaut et des hélicoptères. Donc, on est un char d'assaut nous-mêmes et on tire. Ben oui. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, le jeu Berserk, c'est passer d'une pièce à l'autre en tirant sur des ennemis en évitant les obstacles. Donc, comme un peu un jeu d'agent secret, donc Grand Theft Auto. Ouais, ouais. 1-2, donc la vue au-dessus et tu te promènes. Quand tu arrives au bout de la pièce, ben là, t'as un déplacement, ça crée une nouvelle pièce et tu continues. Mm-hmm. Et évidemment, la difficulté augmente. Donc, au début, t'as des ennemis que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est te foncer dessus. Et toi, t'as une arme. Mais à un moment donné, ils se mettent à tirer. Mais les balles sont tellement lentes, je comprends même pas comment on peut se faire toucher par ça. Là. Ouais. La balle, t'as le tir, puis t'as la balle qui avance tranquillement vers toi. Oh, je vais me tasser un petit peu. Mais t'as dit les effets de transition entre les pièces, est-ce que c'est assez rapide ou est-ce que ça fait... Oui, okay. Oui, parce que c'est que ColecoVision, ça laguait un peu. C'est ça, mais non, là t'arrives au bout, puis tout de suite t'as un déplacement, t'es rendu dans l'autre pièce, puis tu continues. Ok, cool. Donc j'ai trouvé ça bien là-dessus. Ensuite, Blitz, c'est une tentative de faire un jeu de football. Une tentative. Un peu. Non, mais on s'entend, là, c'est juste des vecteurs. Ouais, hein. Ouais. Sûrement que le ballon, c'est un polygone. Ouais. Deux pyramides à base carrée collées au bout à bout. Ça doit ressembler à ça. Clean Sweep, c'est carrément Pac-Man. Ah, ben oui. Donc, ben, t'as pas sûr d'avoir un clone de Pac-Man pour avoir du succès dans les jeux vidéo. Ben, c'est ça, là. Exactement. Ouais. Donc, ils ont juste changé les ennemis puis la forme de Pac-Man et c'est de ramasser les points dans un niveau... Tout simplement. Hmm. Cosmic Chasm, un vrai classique d'arcade, de console précédente, ils l'ont amené. Donc, c'est un vaisseau dans l'espace, on détruit d'autres vaisseaux, on passe d'une zone à l'autre, et le but, c'est d'arriver dans la zone où là, on peut placer un explosif pour détruire complètement la carte dans laquelle on se trouve, et là, on est amené vers un autre niveau. Donc, c'est un jeu très complet, beaucoup de zones différentes, avec un objectif, et évidemment, t'as le système de points. Donc, je pense que c'est le jeu le plus complet au Vectrex, très populaire, et il se joue très bien. Mm. Donc, ça, je suis content de l'avoir. Hyper Chase, course d'auto. Là, avec l'extrait 1, c'est ce que je voulais montrer. Je vais montrer aux gens. Donc, il n'y a pas de musique vraiment avec le Vectrex. Donc, je vais juste donner ça a l'air de quoi que vous jouez. On y va. Aussi une tondeuse pour les cheveux, c'est aussi une tondeuse pour le gazon. Ouais, c'est ça. Il y a des grillons. Donc, il n'y a pas de musique, c'est juste ça. Waouh. Tant et si longtemps que tu fais la course. Ok, ça doit être un petit peu agressant. Hein? C'est un petit peu agressant, ouais. Oui. Rip-off. Donc, le but, c'est de. On est sur une île et on protège notre réserve d'essence sur l'île des vaisseaux ennemis. Donc, il y a des vaisseaux qui chargent de partout. Et évidemment, tu essaies de protéger ta zone au centre. Mm. Donc ça, c'est quand même bien. Scramble, c'est le jeu du démo que j'ai fait. Okay. Donc on est un vaisseau, donc c'est un jeu qui se promène de gauche à droite, un fameux side-scroller. Donc ça, c'est juste, j'ai trouvé ça bien, la perspective. Donc t'as des vaisseaux ennemis qui se promènent et tout de suite, t'essaies de te rendre le plus loin possible. Mm-hmm. Donc ça, c'est très bien. Sinon, Solar Quest, qui est un autre jeu de vaisseau dans l'espace. Tout ce qu'il y a de plus simple. C'est assez populaire, ce genre de jeu-là, avec un fond noir. Là, on dirait que c'était tout le monde a voulu faire ça. Ensuite, Star Trek. Pas vrai. Oui, un jeu de vaisseau, sauf que là, c'est vu à la première personne. Wow. Donc, c'est quoi ça? C'est absolument rien. OK, ça, je me demandais qu'est-ce qu'il y a. Absolument rien. Et finalement, je veux compléter avec le jeu Spike. Donc, passer d'une plateforme à l'autre, éviter les ennemis, trouver la clé, passer la porte et sauver le personnage qui s'appelle Molly. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que c'est très similaire au jeu Donkey Kong, au okay. Atari, qui nous lançait des barils, fallait monter dans les échelles. Ouais. C'est le même principe. Ils ont fait une vue isométrique, donc on voit un peu ça en 3D, donc au 45. Je trouve ça un petit peu spécial, ouais. Mais ça donne du style au jeu. Spécial dans le bon sens, ben oui. Ouais, c'est ça. C'est la première mascotte des jeux vidéo, ah. Le personnage Spike. Et en plus de ça, ils ont vraiment poussé ça un étape plus loin. Ils ont décidé de faire la première voix digitalisée. Non. Oui, extrait numéro 2. Ben, je l'ai aussi découpé. Je l'espérais beaucoup. On écoute ça. Juste, pardon. J'espère que t'es pas là, bye. Ça. Non, c'est, non, c'est qu'elle fait comme. Elle lâche un cri. Après ça, elle dit help Spike. Puis là, après ça, Spike répond oh no, Molly. Ok, on réécoute. Ah ouais, ok, ouais. C'est ça, mais on s'entend, c'était une première tentative d'ajouter des voix. Fallait le faire. C'était un bel essai. Fallait le faire à l'époque. Ouais. Alors, pour compléter ma chronique, je vais juste donner ma note pour la console. Cool. Qu'est-ce que j'en pense? OK? Premièrement, je trouve que la console prend beaucoup de place. OK? De donc, tu citerais combien de points avec ça? pas si pire, parce que je réfère à l'époque. Oui. Mais c'est sûr que quand je regarde mon Magnavox Odyssey 1 1972, ouais. qui est une petite console, et 1982, qui est une console qui prend beaucoup de place, c'est sûr que je me dis, ouais, OK, c'est pour le niveau de l'espace de rangement, c'est pas super. Surtout que je commence à manquer de place avec toutes mes affaires de collection. Mais c'est correct, j'ai trouvé une place, ça va bien. Je me pète le genou dessus un peu souvent, mais c'est pas grave. C'est un détail, tu sais. Faut souffrir des fois pour l'art, hein. Et oui, exactement. Un jour, j'aurai plus de place et je vais y trouver une autre place que où est-ce que je passe souvent mes genoux. Je te le souhaite. C'est ça. Oui, la console prend de la place, mais le fait que j'ai pas besoin de brancher la console sur ma télévision, c'est un avantage. Donc, ça se balance de ce côté-là. Ouais. Je trouve les graphiques sont bons, d'un point de vue des vecteurs. Si je compare avec la Atari, que c'est des pixels affreux et que j'ai de la misère à reconnaître le personnage avec lequel on joue, je dirais que c'est ordinaire. Par contre, avec les vecteurs, ils ont réussi à faire des beaux bonhommes allumettes. On reconnaît bien que c'est notre personnage et on voit bien les bras, les jambes. Donc là-dessus, je trouve que c'est une bonne idée de prendre le concept des vecteurs. Par contre, le désavantage des vecteurs, c'est quand on essaie de nous mettre trop d'animation en même temps. Le problème, c'est qu'on perd notre personnage ou notre vaisseau dans le décor. Oui, ben oui. Parce que là, t'as ton vaisseau en vecteur blanc dans un paquet d'animations avec des vecteurs blancs devant toi. Ça, c'est un peu étrange, je dirais. Cacophonie visuelle. C'est ça. C'est un peu le même principe que dans le Nintendo Virtual Boy. Oui, ben donc, oui. Donc, c'est avec les lignes rouges, des fois, t'avais une superposition entre ton personnage et le décor. Donc, tout est de la même couleur. Le fait de rajouter des plastiques pour rajouter des graphiques, je trouve ça très bien. Ça rajoute de la couleur aussi, en même temps. Ouais. Donc, ça, c'était une bonne idée. Les juifs se jouent. Non, j'ai juste inversé mes mots. Okay. Non, j'allais pas faire pas de mauvaise blague. c'est ça. Donc, les jeux se jouent pareil, même si on n'a pas les plastiques. Ouais. Donc, ça, je trouve que c'est bien. Donc, quelqu'un qui veut juste jouer au jeu n'a pas à chercher les plastiques désespérément. Pas obligé de faire comme moi. Donc, c'est ça. La manette, je dirais que sa longueur, c'est un désavantage, comme j'expliquais tantôt. Mais quand même, ça se joue bien. Là où il y a un problème, c'est que le joystick, des fois, demande de faire certains mouvements diagonales dans certains jeux, dont Berserk. Et là, c'est très compliqué. Il n'est pas l'air confortable non plus. C'est comme juste un petit bâtonnet avec un petit sphère. Effectivement. Ouais. Donc, ça, t'as l'image. Donc, ça, tu viens de très bien résumer le problème. D'avoir une ampoule sur le pouce assez rapidement avec ça. Oui, je confirme. Oui, hein? Oui, je confirme, j'en ai une. Donc, c'est ça. Mais en tant que tel, le fait d'avoir 4 boutons, c'est un net avantage sur les autres consoles. Donc, ça, par rapport à l'époque, c'est très bien. Même le Nintendo, le NES, avait 2 boutons. C'est vrai. Donc, c'était long, en plus, ça a pris jusqu'au Super Nintendo avant d'avoir 4 boutons. Ouais, exactement. Même le Sega Genesis en avait 3. Oui. Un entre-deux, un compromis. Oui, c'est ça. Donc, pour certains jeux, surtout les jeux d'un exemple avec un vaisseau, tu vas avoir un bouton pour tirer par en avant, un bouton pour laisser tomber les projectiles par en bas, un autre bouton pour donner une accélération. Donc, tu peux jouer avec ça. Mm-hmm. Je trouve ça très intéressant de ce côté-là. Ouais. Sinon, les jeux, je trouve que, oui, il n'y en a pas beaucoup, si on compare à d'autres consoles, mais ils ont vraiment été chercher la crème de la crème. Ouais. Ça, je leur donne, il fallait le faire. Il y a beaucoup de consoles qui ont eu de la misère à aller chercher des grosses bannières, de réussir à avoir des gros titres. Et ils ont aussi eu de la misère à trouver des concepteurs pour faire des bons jeux. La Vectrex a tout réussi de ce côté-là. Donc ça, c'est très bien. Au niveau de la console, je dirais que même aujourd'hui, c'est encore jouable. Donc, quelqu'un qui décide de la prendre va pas être déboussolé. C'est pas comme le Magnavox Odyssey 2, exemple, nécessaire des 18. Sérieusement, je réussis même pas à démarrer un seul jeu. Pas vrai, ah ouais. Donc, ça fonctionne, je suis capable de bouger, mais je sais pas quoi faire. OK. Donc ça c'est donc là-dessus tout est réussi. Je regarde aujourd'hui, je prends ça puis je suis capable de jouer au jeu. Mm-hmm. Donc je suis pas déboussolé. Donc ça c'est très bien. T'sais, on dit tough avoir grandi dans l'époque pour comprendre les jeux de l'époque. Mais cette console-là, même si j'ai pas grandi dans cette époque-là, je la comprends. Ben c'est ça. Donc en tant que tel, je donne un 7 sur 10 à la console. Génial. Alors c'est très bien. Super. Selon mes notes que je donne habituellement, même si c'est la première fois que je donne une note dans ton émission. Ouais, là, c'est ça. Mais ceux qui me connaissent dans tous les jours, quand je critique quelque chose, j'ai tendance à être sévère des fois. Ouais. Et tu refais ça quand tu veux critiquer une console ou un concept, quelque chose d'historique, n'importe quoi. J'adore le concept. En tout cas, j'ai aimé ça faire ça aujourd'hui. Ça fait une petite recherche différente. C'est le fun. Aller chercher des sources différentes, d'essayer des choses différentes. Faire une vidéo de démo aussi, c'est quelque chose de différent. Oui, et j'aime ça aussi. C'est le oui. fun. Sur la page Facebook du Mathieu Plante Show, vous allez voir t'es pas ta face, au moins t'es... On voit le profil à un moment donné quand je vais rentrer le jeu dans la console, mais après ça on me voit plus. Ok. Donc ceux qui ont de la misère avec la vision de ma face, ben dites-vous que vous me voyez 5 secondes. Ah. Et on te retrouve à Génie en Liberté jeudi matin à 9h30. Oui, spécial Saint-Valentin. Ok. Donc on va parler d'amour, de relations, de sexe, de toutes sortes de sujets intéressants comme ça. On va avoir aussi un invité en onde, donc qui a un bac en sexologie, un certificat en psychologie, qui étudie actuellement à l'université, donc il s'y connaît beaucoup dans le domaine, il va participer aux discussions, il va nous en apprendre sur le sujet. J'ai vraiment hâte. Bonne idée ça, Génie en Liberté, jeudi matin à 9h30 avec toi et Stéphanie. Exactement. Voilà. Est-ce que tu fais un spécial Saint-Valentin toi dans Assemblage Requis? Pas penser à ça pendant tout. Ah bon, ça c'est pas grave. M'y penser. c'est bon. Hey, on te retrouve dans deux semaines ici à l'émission, en début d'émission. Donc les mercredis à peu près vers les 13h et puis exactement. Les jeudis vers les 17h environ. 17h05, oui, c'est ça. C'est à peu près. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien Girard. Ça fait plaisir, merci à toi. De rien, on se quitte avec Monty on the Run, une pièce de la trame sonore de Vectrex, reprise par Christopher Salomon qui fait ça sur YouTube. Sa chaîne s'appelle Laser Active Guy, il reprend des pièces de la console Vectrex. Donc on se quitte avec ça et à dans deux semaines, Samuel. À dans deux semaines. Bye. Thank you. c'était le morceau Misfits par Chris Salomon. Je dois un petit peu me corriger. Là. On me dit, Samuel m'a dit tantôt que la console n'avait pas de musique lorsqu'on jouait. Donc, ce que Chris Salomon fait, c'est qu'il prend des sons dans chacun des jeux et il fait des musiques, des chansons avec ça. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la chanson de Star Wars qu'on a entendu pendant sa chronique tantôt. Il y avait aussi une chanson de Pac-Man. Donc, il prend les sons. Il y en avait très, très peu dans le jeu et fait des chansons à partir de ça. Donc, voilà pour Vectrex. Maintenant, on parle de télévision. Voici Television, Television. C'est Television, Television, la chronique télévisuelle du Mathieu Planchon et on débute au Québec comme toujours avec Pierre Craig qui va quitter la présidence de la FPJQ. Le journaliste de Radio-Canada, Pierre Craig, annonce qu'il quitte la présidence de la Fédération professionnelle des journalistes. Donc, il va l'annoncer au prochain conseil d'administration de la Fédération dans les jours qui s'en viennent. En fait, samedi dernier, je crois qu'il l'a annoncé. Ouais. Donc, l'infarctus qu'il a subi à la veille de Noël a influencé sa réflexion, selon des informations obtenues par la presse. L'homme de 63 ans n'acceptera pas d'autres postes à la FPJQ afin de se concentrer pleinement à ses fonctions de journaliste. L'actuelle vice-présidente de la Fédération et reporter à l'agence QMI, Lise Millette, la remplacera. Elle terminera donc le mandat de 2 ans de Pierre Craig qui vient à échéance au mois de novembre prochain. Le premier conseil d'administration du nouvel exécutif de la FPJQ devait avoir lieu en janvier. Il a cependant été reporté à samedi dernier en raison des problèmes de santé de M. Craig. Donc, je confirme que c'était bien samedi le 7 février. La série Mon meilleur ami, a été vendue à la chaîne TV5 Monde où elle sera diffusée à compter du 18 mars prochain. Mettant en vedette Claude Legault, David Lahaye et Catherine Sénard, cette série raconte l'histoire d'une grande amitié remise en question entre Alex et Simon à la suite de l'accident d'alpinisme. François Leclerc était à la réalisation de ce projet écrit par Benoît Chartier et produit par Zone 3. On y retrouvait aussi Mélissa Desormeaux-Poulin, Jean-Nicolas Véro, Kathleen Fortin et plusieurs autres. Claude Legault avait remporté le Gémeaux du meilleur acteur dans une dramatique à la suite de la diffusion de l'œuvre au Québec sur les ondes de Série Plus à l'hiver 2013. C'est donc Mon meilleur ami, vendu à TV5 Monde. Maintenant pour le Canada au complet, mais ça affecte quand même le Québec, c'est le CRTC qui a sommé la chaîne communautaire MaTV de Vidéotron de prendre des mesures concrètes afin de mieux desservir les diverses communautés culturelles du Grand Montréal. À la suite de la réception d'une plainte, le CRTC avait fait l'analyse de la grille horaire pour la semaine faisant l'objet de la plainte. L'organisme de réglementation a conclu que MaTV n'a réservé que 30,2% à la programmation d'accès. Alors que le seuil est de 45% et 37,2% à la programmation locale, le seuil exigé étant de 60%. Je cite, Vidéotron doit prendre des mesures afin de rétablir la conformité en matière de programmation locale et d'accès d'ici son prochain renouvellement de licence en août 2015. Parallèlement, le conseil a approuvé la demande de Vidéotron de créer un canal communautaire de langue anglaise, mais il précise que l'entreprise devra financer le projet avec les contributions déjà allouées à MaTV, c'est-à-dire qu'ils ne leur donneront pas d'argent de plus pour pas avoir fait leur job finalement. Vidéotron s'est dit déçu de la décision du CRTC, évidemment. Au cours des prochains jours, l'entreprise analysera la décision et évaluera ses options. Évidemment, c'est quelque chose d'assez majeur pour une chaîne d'accès comme ça, communautaire, de ne pas remplir son mandat. On sait, là, c'est que des vedettes sur MaTV, mais ils veulent avoir des codes d'écoute, j'imagine. Je sais pas trop ce que c'est, là. Mais ça fonctionne pas. La télé communautaire, c'est de la télé communautaire. Maintenant, aux États-Unis, nous nous rendons. La CW fait confiance à Mark Cherry. La chaîne a commandé le pilote de Cheerleader Death Squad, une série conçue par le créateur de Beauté désespérée, le producteur du Dome, Under the Dome, et le producteur de Blue Bloods. En compagnie de Neil Baer et de Dan Truly, Mark Cherry écrira le scénario de ce drame qui posera sa caméra dans un lycée élitiste de Washington. Cheerleader Death Squad se centre plus particulièrement sur l'un de ses professeurs, un ancien agent de la CIA en disgrâce, qui profite des relations très haut placées de certains étudiants pour les transformer en espions dans le but de récupérer son ancien poste à l'agence centrale de renseignement. Ce projet s'ajoute à Dead People de J.J. Abrams et Tom Capinos, à la nouvelle version de Tales from the Dark Side et Corden, autre pilote commandé par la CW pour sa rentrée en 2015, on en parlait la semaine passée. Il y a eu une apparition étrange à la télé, une série basée sur Wheel of Time qui a été diffusée, une version non autorisée, sur la chaîne FXX. Un peu confus, pourquoi est-ce que FXX a diffusé un pilote pour la version de Robert Jordan de Wheel of Time sans le dire à personne? Hein? Et ça dérange vraiment beaucoup la femme de Jordan, entre autres. Une émission du nom de Winter Dragon a été diffusée par FXX le 9 février à 1h30 du matin. C'est basé sur, comme je disais tantôt, sur Wheel of Time. Mais la réaction officielle de la veuve de Robert Jordan clarifie le fait que personne n'avait le droit de faire cette émission-là. L'acteur Max Ryan, qui était dans l'émission, jouait le rôle de Luz Theryn, a partagé des photos sur Instagram du tournage. Il y a même des photos sur un Tumblr avec un lien vers le réalisateur qui en a parlé sur Twitter. Donc, complètement n'importe quoi. Billy Zane joue dedans, l'acteur. Ça a l'air d'avoir eu un horaire de production très, très serré. Donc, ça ressemble quasiment à un court-métrage qui a été diffusé à la télé. On a pu aussi le voir sur YouTube récemment, cet épisode-là. Aucune idée combien de temps ça va durer sur YouTube, mais pour l'instant, les gens se posent la question de comment est-ce que cette émission-là a fait pour être diffusée sur une chaîne câblée connue, donc FXX. C'est un dérivé de la chaîne FX, ceux qui diffusent entre autres Sons of Anarchy. Donc, selon la veuve de Robert Jordan, ça aurait pas dû arriver. On ne sait pas encore pourquoi. On va suivre ça, évidemment. Maintenant, on pourrait avoir un retour de la série originale de La Loi et l'Ordre. NBC envisagerait de remettre à l'antenne sa série policière disparue depuis 5 ans. Le retour de La Loi et l'Ordre, Law and Order, se ferait sous la forme d'une saison limitée à 13 épisodes. Après Heroes Reborn, NBC aurait entamé des discussions pour faire revenir la première série de la franchise appelée Law and Order aux États-Unis. Ça, c'est celle qui a des dérivés comme La Loi et l'Ordre, crime sexuel, qui est encore en onde. Il y avait... C'est quoi l'autre aussi? En tout cas, il y en avait d'autres. Donc après Heroes Reborn, selon Deadline, le projet n'en serait qu'à ses balbutiements, mais la chaîne aurait déjà approché quelques acteurs de la distribution originale, dont Chris Noth, qu'on connaît pour Sex à New York, et Sam Waterston de, entre autres, Salle des Nouvelles, The Newsroom, récemment. La Loi et l'Ordre a été diffusée à la télévision américaine pendant 20 ans, de 90 à 2010. La série centrée sur le système judiciaire de Manhattan a donné lieu à plusieurs dérivés, dont La Loi et l'Ordre crime sexuel, j'en parle tantôt, qui existe encore. Le réseau a déjà en tête de faire revenir prochainement les héros drames des années 2000, mettant en scène des gens qui obtiennent des pouvoirs exceptionnels. Ça va être une mini-série baptisée Heroes Reborn. Ça pourrait revenir. J'ai jamais compris comment c'était parti des ondes parce que ça avait encore un succès. Ils ont gardé la plupart des dérivés en ondes pendant plus longtemps, pas plus longtemps en termes de saison, mais pendant jusqu'à plus récemment. Mais là, je crois qu'ils sont tous tombés sauf crime sexuel. Bon, quand même, La Loi et l'Ordre. Cassavetes adapte une série suédoise aux États-Unis. Le réalisateur de John Q s'associe à la productrice de Walking Dead pour donner vie à Brothers in Crime, l'adaptation d'une série suédoise des années 2000. L'histoire tourne autour de trois amis qui en viennent à commettre un crime afin d'empêcher la fermeture de leur société de construction. Dans son pays d'origine, la série est nommée Tucson Brothers a connu trois saisons, diffusée de 2001 à 2006. Ola Rapace, qu'on connaît pour Skyfall, y tenait l'un des rôles principaux. Pour la version américaine qui ne possède pas encore de diffuseur, Nick Cassavetes passera derrière la caméra et assurera la production en compagnie de Gail Ann Hurd, une productrice de The Walking Dead. Ce projet prouve que les séries suédoises ont la popularité à la cote aux États-Unis. On adapte déjà les séries Braun, devenues The Bridge et The Killing, et AMC travaille sur sa propre version de Real Humans. Un deuxième dérivé pour Chicago Fire, parlant de tantôt La Loi et l'Ordre avec ses nombreux dérivés, NBC envisage d'apporter un deuxième dérivé à sa série dramatique Chicago Fire. Les personnages de cette œuvre seront introduits au printemps dans l'épisode 19 de la série d'origine. Après les pompiers et les policiers, NBC aimerait décliner sa franchise avec une équipe médicale. Provisoirement baptisé Chicago Med, le projet s'articulera autour du personnel d'un hôpital de Chicago. Selon les premières rumeurs, la distribution intégrerait un psychiatre, un pédiatre et une infirmière. Toujours produite par Dick Wolf, la série dramatique pourrait être lancée à la rentrée 2015 si l'épisode spécial parvient à convaincre les téléspectateurs et les dirigeants de NBC. Diffusée depuis 2012, Chicago Fire est actuellement à sa troisième saison, portée par Jesse Spencer et Taylor Kinney. Monsieur Dick Wolf, à moins que je me trompe, chose que j'aurais dû vérifier avant, mais c'est lui exactement, c'est lui qui s'occupe de New York Unité Spéciale, c'est ce qu'on appelle La Loi et l'Ordre crime sexuel au Québec, donc c'est lui qui s'occupait de La Loi et l'Ordre, donc c'est normal, les dérivés, il connaît ça pas mal bien. L'actrice Jenna Elfman tente un retour au petit écran. L'actrice révélée dans les années 90 avec la sitcom Dharma and Greg retrouve le premier rôle d'une série dans un projet destiné à Fox. Donc probablement retiré des ondes après 6 épisodes comme le veut la tradition. Jenna Elfman comprend une mère qui culpabilise de travailler. 13 ans après la fin de Dharma and Greg, son héroïne tente de revenir sur le devant de la scène. Dans sa comédie encore sans titre, elle jouera Ellen, une mère qui doit mener de front son travail et sa vie de famille. En perpétuelle compétition avec sa belle-sœur, mère au foyer parfaite, elle s'inquiète d'être une mauvaise mère, une piètre épouse. Est-ce que d'original? Ben, d'original. Relativement, cette série va être développée par avec Dana Klein, l'ancienne scénariste et productrice de Friends, une autre comédie à succès des années 90. Jenna Elfman tentera de marcher sur les traces de Téa Leoni, revenue avec succès à la rentrée 2014 sur CBS. Sa série Madame Secretary a décroché une deuxième saison grâce à ses 14,9 millions de fidèles. Le lien avec la nouvelle m'échappe un peu. The Casual Vacancy, maintenant vous connaissez le livre de J.K. Rowling. Donc la mini-série anglaise adaptée du roman de J.K. Rowling, Une place à prendre, en français, sera diffusée sur la chaîne câble américaine HBO, qui a également participé à son développement. Pour découvrir la fiction, ses abonnés devront être devant leur télé les 29 et 30 avril. HBO profite de la mise en ligne quelques jours plus tôt de la première bande-annonce pour dévoiler une date de diffusion pour The Casual Vacancy. La série, composée de 3 épisodes d'une heure, sera programmée au cours de 2 soirées aux États-Unis. En Angleterre, BBC One diffusera l'intégralité au cours de la soirée du 15 février. The Casual Vacancy se déroule dans la ville fictive de Pagford, bourgade du sud de l'Angleterre à d'apparence idyllique, mais la mort du conseiller paroissial et la campagne qui suit pour le remplacer crée dans la ville un climat de paranoïa. Des années de haine et de mensonges refont surface, faisant éclater au grand jour des secrets bien enfoui. Le rôle principal est confié à Michael Gambon, acteur bien familier de l'univers de J.K. Rowling, pour avoir incarné Albus Dumbledore dans Harry Potter. Il y a aussi Rory Kinnear, Julia McKenzie, Keely Hawes, Simon McBurney, Richard Glover et Mary Quickly. Oh, des noms compliqués. Nouvelle de, je dirais, dernière heure pour moi, parce que c'est arrivé à passer l'heure où normalement j'arrête de récolter des nouvelles pour le Mathieu Plante Show. C'est Jon Stewart qui quitte le Daily Show. C'est arrivé hier soir, mardi. L'humoriste vedette Jon Stewart va quitter The Daily Show, une émission satirique qui singe un journal télévisé. Donc c'est une parodie d'émission de nouvelles qu'il animait depuis 1999 et dont il a fait une émission culte aux États-Unis. C'est ce qu'a indiqué la chaîne Comedy Central. Je cite, « Pour la majeure partie des 2 dernières décennies, nous avons eu l'incroyable privilège de travailler avec Jon Stewart. » C'est comme commenté la chaîne dans un communiqué. Jon a été l'un des principaux membres de Comedy Central, lançant les meilleurs talents du secteur devant et derrière la caméra. On se rappelle que c'est lui qui a lancé la carrière de Stephen Colbert, John Oliver et un paquet d'autres humoristes qui, dorénavant, ont leurs propres émissions sur Comedy Central et ailleurs. Larry Wilmore aussi. À travers sa voix unique et sa vision, The Daily Show est devenu un incontournable pour des millions de fans et une plateforme sans parallèle pour la comédie politique qui va continuer à vivre pendant les années à venir, a-t-elle poursuivi. Donc ça veut dire que l'émission The Daily Show va continuer. On se rappelle, pour ceux qui s'en rappellent, donc je vous dis que vous en rappelez, ou que c'est pas Jon Stewart qui a initié The Daily Show, c'était Craig Kilborne. Voilà. C'était pas très bon à l'époque d'ailleurs. La date précise du départ de l'humoriste est aux yeux bleus et au célèbre petit sourire en coin n'a pas été donnée. Comedy Central précise seulement qu'il allait rester aux manettes de l'émission jusqu'à plus tard cette année. L'annonce du départ de Jon Stewart, âgé de 52 ans, intervient quelques mois après l'arrêt en décembre de l'émission de Colbert Report, un dérivé animé par son ancien acolyte Stephen Colbert, qui parodie un journal télévisé inspiré de Fox News. Colbert va prendre la suite de l'animateur vedette David Letterman du Late Show sur CBS. Donc on ne sait pas encore quels sont les prochains projets de Stewart, l'un des humoristes les plus caustique aux États-Unis, nous rappelle l'article. Il a amorcé sa carrière de réalisateur avec le long métrage Rosewater récemment. Donc, certains doutent, croient qu'il s'en va réaliser des films. Peut-être que ça pourrait arriver. C'est ce film-là, l'histoire vraie, probablement, d'un journaliste irano-canadien emprisonné et mis à l'isolement pendant 118 jours en 2009 à Téhéran et sorti l'an dernier avec Gael García Bernal dans le rôle titre. On parle du film qui est sorti l'an dernier. On reste sur les gens qui s'en vont, mais dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement parce que ça y tentait de s'en aller, c'est parce qu'on lui a demandé de s'en aller. C'est Brian Williams, qui est suspendu pendant 6 mois sans solde pour avoir embelli des souvenirs d'Irak datant de 2003. Le présentateur vedette de la chaîne de télévision NBC, Brian Williams, a été suspendu mardi soir encore une fois, donc c'est des dernières nouvelles de dernières heures, pour 6 mois sans salaire. Un coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel américain. C'est vraiment exactement, vu que c'est le plus regardé, c'est l'équivalent de Pierre Bruno aux États-Unis pour ceux qui veulent comprendre un peu l'histoire. Donc Brian Williams, 55 ans, qui présentait les journaux du soir de NBC depuis 2004, était jusqu'au au début du mois l'un des présentateurs les plus célèbres des États-Unis, extrêmement respecté. Il avait renouvelé d'ailleurs son contrat en décembre avec NBC News, payé quelques 10 millions de dollars par année. Hein? Pas Pierre Bruno qui aurait ça, hein? Sa suspension est en vigueur immédiatement, a annoncé mardi soir la présidente de NBC News, Deborah Turnus, dans un mémo interne, ajoutant qu'il ne serait pas payé durant ces 6 mois. Lors de son journal du 30 janvier, Brian Williams, qui en est aussi le rédacteur en chef, avait affirmé à l'antenne qu'un hélicoptère dans lequel il voyageait en Irak en 2003 avait été attaqué au lance-roquettes. Il avait déjà raconté l'histoire, une version similaire, avec des trucs qui se contredisaient, en 2013 à l'humoriste de télévision David Letterman. La version de l'incident s'était embellie au fil des ans. En 2003, Brian Williams avait expliqué, je cite, « À terre, nous avons appris que le Chinook devant nous avait presque explosé en plein ciel. » Brian a déformé les événements qui s'étaient produits lorsqu'il couvrait la guerre en Irak en 2003, c'est une citation ici, et est ensuite devenu clair que dans d'autres occasions, Brian avait fait la même chose en racontant cette histoire. Il a eu tort, c'était complètement inapproprié pour quelqu'un dans la position de Brian. Deborah Turgis a ajouté que la chaîne avait aussi un souci avec des commentaires tenus en dehors de NBC News, dans des talk shows entre autres, alors que Brian parlait de son expérience sur le terrain. Après le journal du 30 janvier, les militaires avaient mis en doute la version des faits racontée par le présentateur. Un pilote avait affirmé que l'hélicoptère transportant le journaliste en Irak se trouvait à moins de 30 minutes derrière celui visé par les tirs. Donc, il n'avait pas été tiré dessus par des lance-roquettes. Les réseaux sociaux s'étaient alors enflammés. Brian Williams avait alors présenté ses excuses à l'antenne le 5 février, affirmant avoir fait une erreur de mémoire de souvenir. Il avait expliqué s'être mélangé entre les deux appareils sur Facebook, etc. etc. Beaucoup n'avaient pas cru en sa bonne foi. Doutant qu'on puisse se tromper sur le fait d'avoir été tiré dessus par des lance-roquettes. Ces aveux avaient fait qu'attiser les doutes sur sa crédibilité, certains commentateurs estimant qu'il ne pourrait pas survivre à la tempête médiatique. C'est ce qu'on dit depuis, en plus, que c'est sorti la nouvelle sur son congé pendant 6 mois, sa demi-sabbatique. Il y en a beaucoup, beaucoup qui pensent qu'il ne reviendra pas de cette sabbatique-là. C'est que le 6 mois va être tellement long que les gens vont finir par oublier. Ils vont mettre Lester Holt en remplacement parce qu'il est déjà en train de remplacer. Il va sûrement juste continuer comme ça pour toujours. Ce qui serait une très bonne chose parce que Lester Holt est très intéressant, très engageant, très, très chaleureux. Et en plus, une personne d'une minorité visible. Donc je pense qu'NBC ferait très très bien de l'engager. Alors que cette enquête se poursuit, le PDG du groupe NBC Universal, Steve Burke, a eu des mots très durs pour celui qui est le visage de l'information sur NBC et génère des dizaines de millions de dollars de publicité par an, tout en coûtant une dizaine de millions par année aussi. Donc, je cite, par ses actions, Brian a mis en danger la confiance que des millions d'Américains placent dans NBC News. Ses actions sont inexcusables et cette suspension est sévère et appropriée. Cependant, il a ajouté que Brian Williams lui avait fait part de ses profonds remords. Il veut regagner la confiance de tous. J'imagine aussi qu'il veut que son contrat soit renouvelé la prochaine fois aussi. Il évoque une seconde chance. Cette suspension intervient alors que les chaînes de télévision américaines luttent pour garder leur audience des journaux du soir depuis plusieurs années. NBC est au sommet des cas d'écoute en ce moment, mais ça me surprendrait vraiment, vraiment pas si ABC News reprenait ce sommet, un peu comme ça fait la même chose avec le Today Show le matin. C'est Good Morning America qui les a dépassés pour des raisons que je commencerai pas à expliquer ici, mais quand même, ça pourrait faire de bonnes choses pour ABC News, tout comme ça pourrait rester comme ça avec Lester Holt, je veux dire. Pourquoi pas? Il est très très regardable. Ensuite, ça c'est le retour qui va faire plaisir à bien des gens. Vous connaissez peut-être BattleBots, l'émission de combat de robots sur Comedy Central, qui va être de retour, mais sur ABC, sur un grand réseau. Ça fait 12 ans que BattleBots n'est plus en onde. Et pendant la fête de semaine passée, Deadline a révélé que ABC va ramener l'émission en tant que série limitée l'été prochain. Ça va être 6 épisodes avec les créateurs d'origine de la série Ed Roskey et Greg Munson. La nouvelle série va être similaire à la version originale, donc des robots qui vont se battre ensemble dans une grande cage, mais la nouvelle version va montrer plus sur la construction des machines, les histoires derrière les gens qui construisent ces machines-là. Et il n'y aura plus non plus de classe de poids. Comparé à l'original de BattleBots. Évidemment, la technologie est aussi très, très avancée, donc peut-être qu'on va voir des robots assez spectaculaires. Ça devrait être intéressant. Vous pouvez voir une compilation des meilleurs moments de BattleBots sur assemblagerequis.com. Et c'est pour ceux qui ont aimé Robot Wars et les autres séries de combats de robots. Il y en avait plusieurs des années 90 et pas mal début 2000, je pense. Pas mal l'époque pour BattleBots et Robot Wars. Mais c'est cool de voir que ça va revenir, même si c'est juste pour 6 épisodes. La série, on passe maintenant à Netflix en passant. La série musicale de Baz Luhrmann en 2016 sur Netflix. La série est donc musicale pour une première incursion dans le monde de la télévision. Le réalisateur australien explorera les prémices du hip-hop dans le New York des années 1970. Les 13 épisodes commandés par Netflix seront prêts pour 2016. Baz Luhrmann filmera New York dans les années 70 lorsque la ville se trouve au plus bas, au bord de la banqueroute. Voilà. À cette période naît le hip-hop dans le Bronx, cette histoire-là que le réalisateur de Gatsby le Magnifique racontera à travers les yeux d'un groupe d'adolescents qui ne vivent que pour la musique. Sean Ryan, le créateur de The Shield, participera à ses côtés à l'élaboration de The Get Down. Baz Luhrmann tournera les deux premiers épisodes ainsi que la finale. Le résultat sera visible sur Netflix dans les territoires couverts en 2016. C'est évidemment, je sais pas si c'est dû à ça, là, mais en ce moment, le grand succès de la télé sur Fox, c'est Empire de Lee Daniels, le réalisateur de Majordom. Un très grand succès en ce moment, Empire. Et puis aussi sur Stars, la série Power du rappeur 50 Cent. Et la nouvelle qui, moi, m'intéresse encore plus que BattleBots tantôt, c'est Netflix qui travaille sur une adaptation du jeu The Legend of Zelda en série télévisée. Donc l'une des séries de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps sera possiblement transposée en télésérie par Netflix. Selon une source familière avec le dossier qui s'est confié au Wall Street Journal, Netflix serait en pourparlers avec Nintendo afin de produire une télésérie mettant en vedette l'univers d'Hyrule et les personnages de Link, Zelda et Ganon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agirait pas de dessins animés, contrairement aux anciennes. Il y a une ancienne série sur The Legend of Zelda en dessin animé. La série mettra en scène cette fois-ci de vrais acteurs. Le projet n'en est qu'à ses balbutiements toutefois. Alors que Netflix est toujours à la recherche de scénaristes, l'entreprise aurait décrit la télésérie comme étant... Et là, vous allez être surpris, vous êtes tombé à terre. Ils ont décrit la série comme étant un Game of Thrones pour toute la famille. Toutes les séries sont des Game of Thrones parce que c'est la plus populaire en ce moment. Fait qu'on fait rien que ça, des comparaisons à Game of Thrones, c'est n'importe que dalle. Donc, Game of Thrones sans nudité, sans scène de violence explicite, sans langage vulgaire. Est-ce que c'est vraiment Game of Thrones? Nous rappelle Branchez-vous.com. Ces dernières années, Nintendo fait preuve de beaucoup de prudence à l'idée que des entreprises externes exploitent ses propriétés intellectuelles. Il n'y a pas eu grand-chose comme dérivé à la télé et au cinéma. On rappelle le film de 93, Super Mario Brothers, comme un échec total, et le partenariat entre Nintendo et Philips pour les pires jeux de la série The Legend of Zelda. Voilà, entre autres. C'est tout pour les nouvelles. Maintenant, allons-y avec les codes d'écoute pour la semaine du 5 au 11 janvier où on entre enfin en 2015 avec les codes d'écoute. On est rendu à mi-février. C'est un petit peu de temps. Hein? Donc, au Québec, commençons avec une rafale des positions 10 à 6. Le hockey des Canadiens, Bloopers TVA. Salut, bonjour, Bloopers TVA. Mario-Jean gare au gros nounours. Okay. Primeur TVA, TVA Nouvelle, hockey LNH Canadien, vlog meilleur du web 2014. La poule d'or, hockey championnat mondial junior final. En 5e place, le Richard. En 4e place, les enfants de la télé meilleur moment. En 3e, prière de ne pas envoyer de fleurs. Ça n'aura jamais de meilleur moment. En deuxième, ça commence bien l'année. Ah ouais. Et en première place, c'est Gala Célébration 2015. Du côté du Canada anglais, 15 à 6, Hawaii Five-O, Two and a Half Men, NCIS Los Angeles, Gotham, Person of Interest, Book of Negroes, CTV, c'est une série canadienne, CTV Evening News, Blue Bloods, Marvel's Agent Carter et NCIS New Orleans. En cinquième place, NCIS, quatrième Golden Globe Awards. En troisième, The Big Bang Theory. Et en deuxième et première place, c'est le World Junior Championship Playoff. Le Canada Post Game en deuxième et juste Canada tout court en première place. 5 947 000. J'avais pas dit 1 387 000 pour le Gala Célébration 2015. Voilà pour Television, les notes sur assemblagerequis.com. On découvre un petit peu de chiptune maintenant. Donc on va entendre de l'excellent J-Red. C'est un habitué du Mathieu Plante Show. Je l'adore. Voici Retropolis featuring Groove Master 303. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. 89.1. Ok, Galactic Girl, on m'a dit plein de show. On continue avec Merci Science. C'est Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Et on débute avec une étude qui nous apprend qu'un mini-cerveau dans la moelle épinière aiderait à maintenir le sens de l'équilibre d'une personne lorsqu'elle marche sur des surfaces glissantes. Les neurones ROR... alpha de la moelle épinière, je crois que c'est comme ça qu'on dit, combinerait différentes informations en provenance des récepteurs sensoriels et du cerveau pour corriger rapidement le mouvement des membres. Marcher sur une plaque de glace de verglas en hiver nécessite de garder plusieurs sens en éveil pour éviter la chute. Il faut voir la surface glissante, bien sûr, garder le sens de l'équilibre, percevoir les mouvements des muscles et des articulations pour les corriger rapidement. Même s'il faut se concentrer pour ne pas tomber, une partie de ce travail se fait inconsciemment. Dans l'œil, une couche de neurones et de récepteurs sensoriels est capable de faire des calculs visuels avant que l'information n'aille dans le centre visuel du cerveau, dans l'incentre, pardon. De même, récemment, des chercheurs ont montré que les neurones de la peau peuvent faire des calculs. C'est pourquoi on peut se demander si d'autres neurones extérieurs au cerveau sont capables d'intégrer des informations pour répondre rapidement à une situation nécessitant de s'adapter rapidement. Dans cet article paru dans la revue Cell, des scientifiques du Salk Institute ont utilisé des techniques d'imagerie pour suivre certaines fibres nerveuses chez la souris. Ils ont ainsi réalisé une cartographie du circuit d'information qui transporte des signaux provenant des récepteurs du toucher dans les pieds vers la moelle épinière et qui permet à l'organisme de faire de petits ajustements sur la position des pieds. D'après cette cartographie neuronale, les fibres sensorielles se connectent dans la corne postérieure de la moelle épinière avec un groupe de neurones particuliers, les neurones ROR-alpha, dont le nom fait référence à un récepteur nucléaire présent sur leur noyau. Ces neurones se connectent avec des neurones de la région motrice du cerveau, ce sont des interneurones. Les chercheurs ont inactivé les neurones chez des souris génétiquement modifiées. Ils ont alors trouvé que ces souris pouvaient toujours marcher et se tenir normalement sur un sol plat, mais sur une poutre étroite, en hauteur, les animaux rencontraient des difficultés à corriger les mouvements de leurs pieds et apparaissaient plus maladroits que des souris ayant des neurones intacts. Ces interneurones dirigent donc les mouvements réflexes correcteurs en intégrant des informations du toucher et des commandes motrices descendantes provenant du cortex et du cervelet. Une caractéristique importante des neurones est qu'il ne faut pas des neurones ROR alpha et qu'ils ne font pas que recevoir des signaux du cerveau et des récepteurs sensoriels du toucher. En effet, ils se connectent directement avec des neurones dans la moelle épinière ventrale qui contrôlent le mouvement. Ainsi, ils sont le centre d'un mini-cerveau dans la moelle épinière qui intègre des signaux provenant du cerveau et des signaux sensoriels pour permettre au déplacement correct des membres et corriger des mouvements moteurs. Une meilleure compréhension de ces circuits pourrait aider à développer des thérapies pour les lésions de la moelle épinière, des maladies qui affectent l'équilibre et des moyens de prévenir les chutes chez les personnes âgées. Hein? Intéressant. Un système électronique créé par des scientifiques allemands et japonais pouvant être adapté à la peau humaine pourrait rendre les humains sensibles aux champs magnétiques. Le capteur mis au point est mince, robuste, pliable et peut se porter dans la paume de la main. La magnétoréception est un sens qui permet à certains insectes et vertébrés comme les oiseaux et les requins de détecter des champs magnétiques pour s'orienter et naviguer. Mais contrairement à ces animaux, l'homme ne perçoit pas les champs magnétiques. Ce sera bientôt chose faite grâce à une peau électronique équipée d'un système magnétosensoriel qui pourrait nous permettre de percevoir des champs magnétiques statiques ou dynamiques. Différents chercheurs dans le monde travaillent sur le concept de peau électronique. Il s'agirait d'une peau qui mimerait la peau naturelle dans ses fonctions et son apparence et qui, grâce à l'électronique, pourrait être équipée de nouveaux sens. Ainsi, elle permettrait d'équiper des robots d'une peau sensible. La peau électronique est une plateforme technologique capable de percevoir des changements de température, mimer la sensation du toucher, communiquer sans fil. Cette peau artificielle, durable et multifonctionnelle pourrait être aussi dotée de capacités d'auto-guérison. Dans un article paru dans la revue Nature Communications, des chercheurs de l'IFW Dresden en Allemagne, de l'Université de technologie Chemnitz en Allemagne et des universités de Tokyo et d'Osaka au Japon décrivent une innovation qui pourrait doter l'homme d'un sixième sens. Le système magnéto-électronique qu'ils ont mis au point est un dispositif imperceptible qui se porte à l'intérieur de la paume de la main. Le support en polymère est robuste et très flexible. Sur un support élastique comme une bande de caoutchouc, le dispositif peut être tendu à 270% pour 1000 cycles sans fatigue. Les capteurs font moins de 2 micromètres d'épaisseur. Ils sont légers, moins de 3 grammes par mètre carré, et peuvent être portés de manière discrète sans gêner à main. Il résiste à des flexions extrêmes et au froissement sans empêcher la performance du capteur. Au-delà des super pouvoirs que cette technologie pourrait donner à l'homme, des applications sont envisageables en robotique. Des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne sont parvenus à maîtriser la formation de canaux conducteurs sur un matériau ferroélectrique. En théorie, cette avancée permet d'envisager la création de circuits électroniques susceptibles de se reconfigurer en temps réel selon les usages ou en cas de dommages. Existera-t-il un jour des puces électroniques capables de reconfigurer automatiquement leurs canaux conducteurs afin de changer de fonction selon les besoins? Grâce aux défis techniques que vient de relever une équipe de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, cette hypothèse est aujourd'hui un peu plus crédible. Les chercheurs ont mis au point un processus de manipulation à l'échelle atomique d'un matériau ferroélectrique qui leur permet de contrôler les canaux conducteurs. Le matériau en question est une céramique PZT, titano-zircolate de plomb, à structure pérovskite, dotée d'une forte propriété piézoélectrique. Les canaux conducteurs sont créés en appliquant un champ électrique, se produit alors une polarisation dans laquelle certains atomes se déplacent vers le haut ou vers le bas. Des voies conductrices appelées parois de domaine, donc des domain walls, se forme entre ces zones polarisées. Ce phénomène est observé depuis plusieurs années, mais jusqu'à présent, il était impossible de contrôler la formation de ces voies. C'est justement ce à quoi sont parvenus les chercheurs de l'EPFL. De quelle manière? C'est qu'ils ont emprisonné leur matériau ferroélectrique entre deux plaques d'électrodes en platine, spécialement conçues pour délivrer une faible conductivité. Des impulsions électriques sont appliquées de manière très localisée. Du fait de la faible conductivité, la charge se propage très rapidement dans la structure, ce qui permet de contrôler exactement la zone sur laquelle elle s'applique. On trace les perspectives, couvre leur découverte. Par exemple, un circuit électronique dédié au traitement du son pourrait, lorsqu'il n'est pas utilisé pour cette tâche-là, être reconfiguré pour afficher les images. Ça offrirait de nouvelles possibilités de miniaturisation qui profiteraient au design des appareils électroniques. Cette avancée permettrait aussi d'envisager la création de circuits résilients qui seraient en mesure de se reconfigurer en cas de dommage pour continuer à fonctionner avec des composants intacts. Un tel scénario pourrait être extrêmement intéressant pour les appareils opérant dans les zones éloignées, difficiles d'accès ou bien des installations spatiales, bien sûr. Les expériences à couper le souffle pourraient permettre de rester en bonne santé, suggèrent des chercheurs de l'Université de Berkeley en Californie, qui abondent ainsi dans le sens des régimes anti-inflammatoires. Le terme de régime anti-inflammatoire n'est autre que l'approche adoptée par de grands noms de la nutrition, tels que le Dr Barry Sears, à l'origine du régime The Zone, et de celui du Dr Andrew Weil de l'Université de Harvard, spécialisé en médecine préventive. Même si chacun adopte une approche différente de ce régime, ils partagent le même objectif, qui est d'améliorer la santé globale en réduisant l'inflammation corporelle. Mais une nouvelle étude américaine mentionnée dans la revue Emotion montre que les moments heureux et exceptionnels que l'on vit une fois confronté à la beauté de la nature ou à l'art seraient liés à une baisse des cytokines, des molécules pro-inflammatoires présentes dans le corps. Ces cytokines ont pour fonction de doper le système immunitaire, mais si elles restent dans le corps en trop grande quantité, elles peuvent être néfastes. Elles sont par exemple associées au diabète de type 2, aux maladies cardiaques, à l'arthrite et à la maladie d'Alzheimer. Pour cette étude, l'équipe de chercheurs a mené deux expériences sur plus de 200 jeunes adultes auxquels ils demandèrent de noter au quotidien leurs émotions positives. Les scientifiques ont prélevé des échantillons de tissus provenant des gencives et des joues des sujets, et au terme de l'analyse, ils sont arrivés à la conclusion que le niveau de cytokine, j'ai dit cytokine tantôt, c'est cytokine interleukine 6, indicatrice d'inflammation, était au plus bas les jours où les sujets se trouvaient en situation d'émerveillement et d'étonnement. Quand même, hein? De l'étonnement, de juste avoir du plaisir, un petit voyage, quelque chose de le fun, t'sais, du fast-food peut-être. Le cannabis pourrait aider à traiter la dépression. La raison, c'est que le stress chronique qui conduit à des comportements dépressifs est associé à un niveau réduit d'endocannabinoïdes, des molécules naturellement présentes dans le cerveau et proches du THC du cannabis. Les endocannabinoïdes ou cannabinoïdes endogènes sont des composés chimiques naturellement produits dans le cerveau. Ils influencent le contrôle moteur, la cognition, les émotions et le comportement. Comme leur nom l'indique, ils sont proches des molécules présentes dans le cannabis sativa et sont composés actifs, le THC, le delta-9 tétrahydrocannabinol. L'utilisation médicale du cannabis est un sujet controversé. Évidemment, je pense qu'on est au courant. Alors que certains États l'ont approuvé, par exemple, pour soulager le glaucome, la douleur, l'épilepsie, la sclérose en plaques, les nausées de chimiothérapie, cette normalisation thérapeutique soulève des interrogations. D'aucuns s'inquiètent qu'elle conduise certaines personnes, notamment des jeunes, à penser que le cannabis est sans danger pour leur santé. Donc, des scientifiques de l'Institut de recherche sur les addictions de l'Université de Buffalo ont... c'est dépendance en français, juste pour vous dire. Ont étudié la relation entre le stress chronique et la dépression et les endocannabinoïdes chez l'animal. Le stress chronique est une cause majeure de dépression. Or, certaines personnes qui ont eu un trouble de stress post-traumatique après un événement grave, comme la guerre par exemple, ont dit avoir été soulagées par de la marijuana, d'où l'idée que les cannabinoïdes influencent les comportements dépressifs. Dans leur étude parue dans le Journal of Neuroscience, les chercheurs présentent donc des résultats préliminaires obtenus chez des animaux. Comme l'explique Samir Haj Daman, principal auteur de cet article, je cite, « Chez les modèles animaux que nous avons étudiés, nous avons observé que le stress chronique réduisait la production d'endocannabinoïdes, ce qui conduisait à un comportement dépressif. D'après ces travaux, il est possible que l'utilisation de composés dérivés du cannabis restaure la fonction normale des endocannabinoïdes. Ainsi, l'humeur pourrait être stabilisée et la dépression en partie traitée. » Même si ces résultats permettent d'envisager une utilisation thérapeutique de composés de cannabis pour réduire la dépression qui résulte du stress chronique, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de savoir si ça peut être efficace chez les humains. La prochaine étape consistera à tester l'utilisation du cannabidiol, un cannabinoïde extrait de la marijuana, pour savoir s'il peut restaurer un comportement normal chez les animaux sans provoquer de dépendance. Des ingénieurs américains ont mis au point un accessoire de smartphone bon marché capable de dépister rapidement le sida et la syphilis. Un appareil reproduit pour la première fois toutes les fonctions mécaniques, optiques et électroniques d'un système d'analyse de laboratoire, précise ses concepteurs dans la revue médicale américaine Science Translational Medicine. Toute l'énergie électrique est fournie par un smartphone. Ce petit accessoire qui peut aussi être branché sur un ordinateur a récemment été testé par des personnels de santé au Rwanda. Ils ont analysé une goutte de sang prélevée sur le doigt de 96 femmes recrutées dans le cadre d'un programme de prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant. Nos travaux montrent qu'une analyse complète de laboratoire peut être effectuée par un accessoire de téléphone intelligent, se félicite un professeur d'ingénierie biomédicale à l'Université Columbia à New York, le principal auteur de cette invention. Combiner la technique des microfluides avec les récentes avancées dans l'électronique grand public peut rendre certains diagnostics de laboratoire accessibles à presque toutes les populations ayant accès aux smartphones. Ça peut transformer la manière dont les services de santé sont prodigués partout dans le monde. Cet accessoire suffisamment petit et léger pour tenir dans une seule main peut être fabriqué à un coût d'usine de 34 $, soit nettement moins que les 18 450 $ de l'équipement équivalent de laboratoire, selon les chercheurs. Ils ont trouvé un moyen pour que l'appareil consomme peu d'électricité, ce qui est essentiel dans certains pays où la distribution électrique est aléatoire. Il est aussi très solide, requiert peu de formation pour l'utiliser et ne nécessite aucun entretien. C'est ce qu'on fait valoir ces ingénieurs. Et finalement, recharger un smartphone grâce à la chaleur de son corps, c'est ce que promet le Wearable Thermo Element, qui ressemble à un petit pansement mis au point par l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies, le KAIST. Cette innovation, qui n'est pas encore concrétisée commercialement, vient d'être distinguée lors du forum NetExpo 2015. Le projet sud-coréen Wearable Thermo Element, qui transforme la chaleur du corps en électricité au moyen d'un pansement, de plaster, a remporté le Grand Prix de l'innovation du Forum NetExpo 2015 à l'UNESCO de Paris. Ce sparadrap, je cite, ultra fin. Ce sparadrap ultra fin. Il me reste encore plein de batterie, là, lâche-moi pas de même. Eh boy! Quand ça te dit qu'il te reste plein de batterie, tu te files là-dessus, tu sais. Donc, on était en train de parler, bien sûr, de sparadrap et d'une histoire comme ça, hein, chargeur de cellulaire. C'était bien intéressant. On va se rendre au deuxième paragraphe dans un instant. Je vous mens pas là-dessus. Donc, je cite, ce sparadrap ultra fin convertit la chaleur du corps en électricité et permet de recharger de petits appareils électroniques, indique le communiqué de NetExpo. Le professeur Baiying Jin-cho de l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies a développé ce projet au sein de la start-up Tegway dans le but de passer à l'étape de la production industrielle. En intégrant dans des vêtements ces bandes qui détectent la chaleur et la transforment en électricité utile, l'énergie est accessible en permanence et ne dépend plus de la météo, comme c'est le cas pour les chargeurs solaires ou éoliens. NetExpo est un observatoire indépendant qui étudie l'impact du numérique sur la société et la vie des entreprises. Il a été créé en 2007 en partenariat avec le Sénat, le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique. Depuis 2010, il bénéficie du soutien de l'UNESCO, donc c'est les Wearable Thermo Element. Voilà pour Merci Science. Merci Science. C'est apprécié, ça. Tout à l'heure, on va faire CNX, bien sûr, le segment geek, les nouvelles technologiques de la semaine. Mais avant ça, retournons en chiptune pour entendre Game Pewter avec Color Spectrum Internal. Quelque chose comme ça, c'est plein de mots. MPS, le Mathieu Plante Show. Ah, c'est tout. chanson. C'est fou, 89 ans. Danger! Danger! Oui, qu'on va entendre au Mathieu Plante Show. Danger! Artiste, attention, qui était l'artiste? Ben, j'ai malheureusement pas l'artiste avec moi. Toujours au Mathieu Plante Show, c'est rendu maintenant le moment de la chronique Cynix. Et la pièce Danger qui était par Megalixir sur leur album Hexadecimal. Voilà. C'est le segment Geek CNX où on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Commençons avec des piles. C'est rare qu'on parle de piles. Pour la première fois, la marque Energizer, vous connaissez peut-être, annonce la production de piles alcalines ultra haute performance intégrant des éléments recyclés issus de vieilles piles. Echo Advance est une nouvelle gamme de piles haute performance présentée cette semaine par Energizer. Sa particularité est d'être composée d'environ 4% de matière recyclée issue de piles usagées et rapportée par les utilisateurs dans les bacs, prévus à cet effet. 4% de matière recyclée semble encore bien peu, mais il y a une explication, je cite. Aujourd'hui, il y a un goulot d'étranglement, c'est la responsable de marketing de la marque qui dit ça, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de piles recyclées par les consommateurs. Mais en valorisant l'intérêt de ces nouveaux produits, nous espérons rendre le contexte plus favorable à l'avenir. En effet, en valorisant le recyclage des piles, la marque espère sensibiliser davantage les utilisateurs et les pousser à recycler de plus en plus leurs piles usagées. La marque estime que ce faible pourcentage est amené à évoluer dans les prochaines années et devrait atteindre 40% en 2025. Il n'y a pas encore de date pour la commercialisation de ces piles. Aux États-Unis, le pack de 4 piles sera vendu à environ 5$, ce qui est vraiment pas si mal. Un petit peu plus élevé que celui des piles traditionnelles, mais quand même. C'est pas des piles rechargeables en passant, c'est juste des piles normales. Projet Kickstarter vous propose de participer au financement d'un produit capable de recharger votre smartphone en utilisant du gaz. Kraftwerk, c'est le nom d'un groupe de musique, mais c'est aussi celui d'un appareil dont l'ambition est de vous éloigner définitivement des prises électriques. Comment? En remplaçant les traditionnelles batteries lithium-ion par une pile de butane. Ce dispositif utilise une oxydation par l'air du butane qui dégage de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, un peu de perte sous forme de chaleur, mais surtout de l'énergie que le dispositif se charge de convertir en électricité. Selon les développeurs du produit, ce dernier serait capable de recharger 11 fois votre téléphone intelligent via son connecteur USB. Comparé à des batteries externes plus traditionnelles, sa capacité s'approcherait de 20 ampères. AH, je crois que c'est ampères. N'escomptez pas, en revanche, charger 11 smartphones à la fois à cause de la faible intensité qu'autorise le dispositif. Disponible d'ici fin 2015, cet appareil devrait être commercialisé contre 149$ avec garantie de 2 ans. La capacité semble intéressante, la recharge du produit est rapide, il suffit de changer la pile de gaz. L'appareil n'est pas très encombrant, un produit qui pourrait avoir de l'avenir donc. C'est en tout cas ce que semble indiquer l'engouement autour de ce projet qui a récolté pour l'instant près d'1 million de dollars sur Kickstarter. Ça va très bien pour le produit qui s'appelle Kraftwerk, Kraftwerk. Je vous dirais bien, ils sont rendus à combien. Ah, là, je peux. Avec 1 159 439 en ce moment. C'est le double et un petit peu plus de leur but de 500 000 $. Ensuite, rumeur. Dans ce cas-ci, c'est Netflix qui pousse pour la 4K depuis avril dernier. On croit savoir que les constructeurs planchent sur de nouvelles versions de leurs consoles, donc la Microsoft Xbox One et la PlayStation 4 avec 4K. Rumeur qui vient d'un partenaire de Sony et Microsoft, Netflix, allié les deux constructeurs... pardon. Ouh. Allié des deux constructeurs via une application dédiée à son service de vidéo sur demande par abonnement sur PlayStation 4 et Xbox One. Il a effectivement laissé entendre Netflix via son Chief Product Officer Neil Hunt qu'une nouvelle version de la PS4 lui avait été promise par le géant japonais. L'enjeu, c'est l'affichage de contenu vidéo en 4K, dont la firme californienne est l'un des premiers et principaux soutiens. C'est 4 fois plus gros que plus beau, 4 fois plus défini que la HD 1080p. Bon. Contacté par les gens de chez Forbes, Netflix n'a pas souhaité aller beaucoup plus loin sur le sujet. L'entreprise croit néanmoins dur comme fer que Sony, mais aussi Microsoft, n'oublieront pas la 4K cette fois-ci au moment de rafraîchir leur matériel. Les constructeurs de consoles, Sony en tête, conçoivent et commercialisent régulièrement de nouveaux modèles pour leurs machines du moment. Il avait fallu attendre 4 ans pour la PlayStation 2 Slim, quand 2 ans et demi avaient suffi à Sony pour proposer un nouveau modèle de PlayStation 3 plus fin et plus léger. En plein boom commercial avec leurs machines respectives, Sony et Microsoft pourraient décider de raccourcir le délai d'apparition d'un éventuel nouveau modèle et ainsi disposer de matériel plus en accord avec son temps. Côté multimédia, on sait que la technologie avance de plus en plus vite. De nouveaux ports HDMI, donc 2.0 en lieu et place du 1.4, ainsi qu'une puce décodant le protocole de protection HDCP 2.2 pour empêcher la copie, serait alors nécessaire, ce qui laisserait les millions d'utilisateurs des consoles actuelles sur le carreau concernant l'ultra haute définition. Évidemment, il s'agit alors pour Sony et Microsoft d'apaiser sa déjà nombreuse communauté de joueurs susceptibles de se sentir lésés si jamais une nouvelle version de leur machine venait à être commercialisée si rapidement et au même prix. Il paraît également moins aisé pour Sony d'offrir une version plus compacte de la PlayStation 4, déjà particulièrement fine, alors que Microsoft semble déjà avoir plus de marge avec la Xbox One. Gageons qu'au moins l'un des deux évoquera le sujet en juin prochain à l'E3, c'est un article de jeuxvideo.fr. Alors, on note aussi que l'affichage 4K ne concerne que le contenu vidéo, parce que pour les jeux, il va falloir se reporter au PC actuel les plus puissants pour pouvoir être compatible 4K. Les consoles ayant pour le moment déjà du mal à afficher dignement des jeux en 1080p à 60 images secondes, qui est le plus populaire en ce moment. Jurassic World, dont la sortie est prévue pour le 10 juin, ça doit être avant ça, en Amérique du Nord, c'est un article français, s'offre un site interactif avec de fausses webcams permettant de garder un œil sur le parc fictif. C'est la bande-annonce de Jurassic World, le film avec le désormais très populaire Chris Pratt, qu'on connaît pour, ici ça dit dans l'article Les Gardiens de la Galaxie, moi je le connais pour Parks and Recreation, n'a pas forcément convaincu les fans de la première heure. Universal fait fort avec le site officiel du film, récemment mis en ligne, organisé comme une page web de parc d'attractions façon Disneyland. Le site propose depuis peu d'observer ce qui se passe à l'intérieur du Jurassic World par l'intermédiaire de webcams installées dans différents endroits. La page Park Cam, qu'on retrouve sur jurassicworld.com/park, trait d'union cam, pourquoi trait d'union, je sais pas, n'est pour l'instant disponible que sur la version anglaise du site. 14 webcams permettent d'explorer l'intérieur du parc ainsi que l'un des ferries qui amènent les visiteurs sur l'île, ce genre de petit train, hein? Le hall d'un hôtel ou encore des laboratoires dans lesquels les scientifiques créent des raptors. On trouve également une caméra dans l'enclos du T-Rex, mais pour le moment, la star du parc ne semble pas avoir envie de se montrer. Voilà. YouTube teste actuellement de manière plutôt discrète une nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité de voir des vidéos sous des angles différents, un peu à la façon des DVD, des Blu-ray. La nouvelle expérience interactive de YouTube n'est testée que sur une seule vidéo pour l'instant, mais elle s'avère prometteuse. Une prestation de la chanteuse Madeline Bailey réalisée à l'occasion de l'événement YouTube Music Night. Ça peut être visionné sous 4 angles différents simplement en cliquant sur les points de vue qui apparaissent au survol de la vidéo. La vidéo qui est proposée sur une page à part nommée Choose Your View, c'est youtube.com/user/MadelineBailey/choose-your-view, ce qui met en avant le caractère expérimental de la fonctionnalité. Organisateur de l'événement, YouTube s'est chargé de filmer la performance à l'aide de 4 caméras, une logistique qui n'est pas à la portée de tous. Destinée à rendre les vidéos plus immersives et interactives, l'expérience s'avère intéressante et met l'internaute dans le rôle d'un réalisateur d'émission qui passe d'une caméra à une autre pour créer une mise en scène en direct. Ce qui manque là-dedans, c'est clairement un effet de transition en fade. C'est pour être le plus quétaine possible, genre vidéoclip ou l'émission poche avec France Baudouin. Ensuite, Nintendo veut redresser ses ventes avec des jeux moins chers. Le pionnier japonais de jeux vidéo, Nintendo, en mauvaise santé à cause d'une concurrence vive des téléphones intelligents, va augmenter son offre de titres à bas prix et de jeux simples suscitant la nostalgie afin de requinquer ses ventes, selon des propos du patron Satoru Iwata, rapporté par le quotidien Nikkei. Le groupe qui a encore vu ses ventes chuter de 11% sur un an pour les 9 premiers mois de l'exercice, c'est plein des mauvaises ventes en Europe et aux États-Unis de la gamme de consoles portables 3DS. Vous savez qu'il y a un nouveau modèle, la New 3DS, qui sort vendredi. Ce qui n'est pas une grosse évolution, mais quand même. Selon le Wii, M. Iwata, le fait que la New Nintendo 3DS ne soit pas encore sur les marchés européens et américains a joué. Là, évidemment, ça va changer vendredi. Mais selon lui, pas question cette fois de sabrer le prix des consoles pour en vendre plus dans les prochains jours. Nous n'avons pas l'intention de faire ça. En revanche, le groupe va aller rivaliser sur le terrain des téléphones intelligents avec des versions pour 3DS de jeux pour mobile, une offre plus large de titres bon marché, des adaptations de jeux vedettes anciens et des versions d'essais gratuits pour davantage de titres phares. On dit vouloir donner plus de choix qu'auparavant aux joueurs. Et le même homme dédié souhaitait revenir à un niveau de profit digne de Nintendo lors de l'exercice 2016-2017, ajoutant cibler environ 100 milliards de yens, un seuil espéré par les détenteurs d'actions, sans préciser s'il s'agit du résultat d'exploitation ou du gain net visé. Pour l'année comptable en cours, donc 2014-15, le bénéfice d'exploitation attendu ne dépassera pas les 20 milliards de yens et le bénéfice net de 30 milliards. Sans doute aidé par ses propos, le titre de Nintendo s'élevait vendredi dernier de quelque 3,5%, donc ça, c'est une annonce qui a quand même peut-être un potentiel de fonctionner. Allons-y avec un aspirateur robot. Si on a parlé de ça en intro, on n'a pas vraiment le choix d'en parler dans l'émission. Hein. À l'heure où l'on parle de plus en plus de l'intelligence des robots et des risques pour l'humanité, l'histoire de cette Coréenne attaquée par son aspirateur autonome démontre qu'il faut être vigilant pour éviter les accidents. L'attaque du robot aspirateur tueur. Donc c'est une Coréenne de 52 ans résidant à Changwon, en Corée du Sud. En rentrant chez elle, elle a ressenti le besoin de faire une sieste. Elle s'est donc installée sur son futon posé au sol, mais elle n'a pas pensé à désactiver son robot aspirateur avant d'aller dormir. Ce qui a entraîné un incident domestique fort peu banal. Le robot lui a aspiré les cheveux durant sa séance de nettoyage. Prisonnière du robot, la malchanceuse n'a pu se libérer seule et s'est donc résolue à appeler les pompiers qui lui sont rapidement venus en aide. Elle a perdu quelques cheveux, mais a évité toute blessure grave, selon le Guardian. Dès le début de la médiatisation de ce cas, l'entreprise iRobot, qui commercialise les aspirateurs Roomba, a pris la parole, je cite... Le robot aspirateur qui a aspiré les cheveux d'une femme en Corée du Sud n'était pas un Roomba. Tu vois, ça change un peu l'histoire. Hein? La sécurité de nos clients est primordiale et tous nos produits sont strictement contrôlés avant d'arriver sur le marché. C'est ce que toutes les compagnies disent, mais c'était pas une Roomba. C'est un peu comme quand une batterie de téléphone intelligent explose puis qu'on dit « c'est la faute à Samsung ». Non, c'est la faute à la personne qui est allée acheter sur eBay ou dans un commerce quelconque une batterie qui n'est pas de la vraie marque, donc qui n'a pas les protections nécessaires puis qui a explosé. T'sais? Donc là, c'est la faute à iRobot qui fait Roomba. Non, c'est la faute de la fille qui voulait pas payer pour une Roomba, qui s'est acheté un modèle cheap et qui a fait ça. Tu sais, c'est comme ça. Ça arrive. Pour le site de Korea BizWire, le problème soulevé par ce fait divers quelque peu insolite n'est pas anodin dans les pays où certaines activités se passent davantage au sol qu'ailleurs. C'est notamment le cas en Corée, mais aussi au Japon, par exemple, où s'asseoir par terre et dormir sur des futons est très répandu. Des chercheurs de l'Université nationale de Singapour viennent d'annoncer avoir conçu un nanogénérateur flexible destiné à convertir les mouvements du corps en énergie afin d'alimenter des appareils portables. La particularité de cette technologie, c'est qu'elle est dédiée aux vêtements. Ces appareils destinés à convertir les mouvements d'une personne en énergie capable d'alimenter des appareils électriques ne sont pas nouveaux. Le nanogénérateur flexible des chercheurs de l'Université nationale de Singapour passe néanmoins un cap. Ce composant souple, fin et de la taille d'un timbre pourrait être mis en place dans la plupart des vêtements et fonctionner sans aucune intervention du porteur. Le nanogénérateur utilise l'électricité statique pour convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. En clair, lorsque la peau frotte le composant durant les mouvements du corps, un transfert d'électrons a lieu durant la friction. Et lorsque les deux surfaces s'éloignent, un courant est créé et ce dernier est récupéré par un électrode. C'est l'effet triboélectrique. Le premier modèle de nanogénérateur flexible présenté par des chercheurs est capable de générer 90 volts de tension en circuit ouvert lorsqu'on tape dessus avec le doigt et une puissance de 0,8 MW capable d'alimenter 12 diodes vendues dans le commerce. Il reste encore beaucoup à faire avant qu'un tel composant puisse être intégré dans des vêtements. Néanmoins, dans les années à venir et avec le développement du tissu connecté, on peut imaginer que les vêtements pourront mesurer certaines données du corps humain en toute autonomie grâce à ce type de système. Le futur des vêtements connectés passe aussi par leur capacité à se faire oublier par les utilisateurs et de ne nécessiter aucune charge. Ça pourrait être un énorme pas dans cette direction. Voilà, c'est tout. Le reste des nouvelles sur assemblagerequis.com en faire le top des jeux les plus loués en club vidéo. 10e place, Call of Duty Advanced Warfare sur PS3. En 9e, Minecraft Xbox 360 Edition sur la 360. En 8e, Super Smash Bros. For Wii U sur la Wii U. En 7e, Call of Duty Advanced Warfare sur la Xbox One. En 8e, Minecraft PS3 Edition sur la PS3. En 5e, Call of Duty Advanced Warfare sur la Xbox 360. En 4e, Grand Theft Auto 5 sur la PS4. En 3e, Grand Theft Auto 5 sur la Xbox One. En 2e, Dying Light sur la Xbox One. Et en première place, le même jeu, Dying Light, sur la PlayStation 4. Voilà. C'est tout pour CNX. On est rendu à notre chronique, notre segment récurrent. sur Colin, une série de jeux vidéo extraordinaire qu'on appelle Donkey Kong Country. C'est un groupe de gentils jeunes gens sélectionnés par Big Mad Tax. Hein, et lui, il a trouvé ces gens-là pour faire 35 pièces au total de toute la série Donkey Kong Country 1, 2 et 3 sur la Super Nintendo pour le 20e anniversaire de cette série de jeux de plateforme. Vous pouvez payer ce que vous voulez pour les chansons d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est rendu aux pièces 25, 26 et 27. On avance très très vite et on va bientôt la terminer cette série-là. Il y en a qui ont peut-être hâte que ça finisse. Là. Pas moi, je vous rassure. Non, j'ai vraiment pas hâte que ça finisse. On débute le bloc avec Joshua Curtis. Voici Wrinkly 89 MPS, le Mathieu Plante Show sur Sifu. Joshua Cortez et Fear Factory, précédé de Corey Johnson et Ice Ice Monkey. Donc, au début, c'était encore Joshua Cortez avec Wrinkly 89. Ça nous amène à C'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses vieilles, véritables et vérifiables. Cette fois-ci dans le domaine des jeux vidéo parce que c'est Tech Edition. Allons-y avec des choses qui sont passées cette semaine dans l'histoire, en commençant par le 4 février. En 1998, Noël Godin, un Belge qui lançait des tartes dans le visage des gens, a réussi à frapper Bill Gates, ça aurait-tu pas rapport avec Tech Edition, ça? Donc Bill Gates, c'était en 1998, vous vous rappelez de ça. En 2004, Mark Zuckerberg et quelques autres gens chez Harvard ont lancé The Facebook pour que les étudiants de Harvard puissent se connecter là, ensemble, t'sais, faire du sexe, comme on l'appelle là. Éventuellement, ça allait bien sûr prendre de l'ampleur. Ils ont lâché le « The », c'est devenu Facebook. En 2014, Microsoft a nommé un employé depuis 22 ans, Satya Nadella, comme nouveau CEO, Chief Executive Officer. Bill Gates n'était plus le directeur du conseil d'administration, le président. Il était remplacé par John Thompson à ce moment-là. Le 5 février en 1999, Victoria's Secret, leur online fashion show, un petit spectacle de défilé de mode en ligne, est devenu la première diffusion web majeure, attirant ce qu'on estime comme 1,5 million de spectateurs en ligne. Le 7 février 1817, la première lumière de coin de rue fonctionnant au gaz aux États-Unis a été allumée à Baltimore dans le Maryland, au coin de Market et Lemon Street. En 1915, le premier test réussi d'un téléphone sans fil dans un train en mouvement a été conduit au Delaware, Lackawanna and Western Railroad. Donc j'imagine que c'était trois systèmes de chemin de fer. Donc un message parlé qui a été entendu à 26 000 de distance. Ça c'est 41,8 km de Lansbury à Binghamton, New York. Le 8 février 1971, la National Association of Securities Dealers Automated Quotations, ou encore NASDAQ, a commencé à échanger sur le marché boursier. C'était le premier marché boursier électronique au monde. En 1996, le Congrès américain a passé le Communications Decency Act. Ça faisait partie du Telecommunications Act en 1996. En partie, ça essayait de forcer les opérateurs de sites web à être responsables si les gens en dessous de 18 ans voyaient de la porno sur Internet, donc ça aurait été de leur faute. La provision a été ensuite éliminée par la Cour suprême, mais la section 230 qui garde les fournisseurs d'accès Internet en sécurité, donc est toujours en force, on peut pas vraiment dire ça comme ça, mais disons que ça tient toujours, cette portion, la section en particulier. Le 9 février 1870, le président américain Ulysses S. Grant a signé l'autorisation pour le secrétaire de guerre, Secretary of War, qui allait pouvoir observer à des stations militaires pour avertir. Donc, il était dans les stations militaires, il pouvait observer et avertir qu'il y avait des tempêtes sur les grands lacs et sur les... sur la mer, voilà. Donc, l'agence opérait sous le Signal Service et éventuellement, c'est devenu le National Weather Service. Donc, c'est l'agence météorologique des États-Unis. Pas une très bonne explication de ma part. Le 10 février 1958, les scientifiques du Lincoln Laboratory at MIT ont fait rebondir un signal radar sur la planète Vénus. Donc, c'était la première mesure de distance interplanétaire. En 1996, le grand maître international des échecs, Garry Kasparov, a débuté une série de 6 matchs contre Deep Blue de IBM. Deep Blue a gagné la première partie. C'était la première fois qu'un champion du monde à ce moment-là, donc courant à ce moment-là, avait été battu par un ennemi ordinateur, si on veut, dans des règles de tournoi régulières. En 2004, en parlant d'un de leurs futurs jeux, Game Never Ending, Ludicorp a révélé un petit side project, un petit à côté, nommé Flickr, au O'Reilly Emerging Tech Conference à San Diego. C'est un service qui mélangeait le système des chat rooms, donc des salons de clavardage, avec du partage de photos en temps réel. Et c'est en effet le Flickr que vous connaissez, qui est maintenant propriété de Yahoo, FLICKR, un site d'hébergement de photos. Donc voilà, ça c'était le 10 février en 2004. Voilà pour C'est un fait Tech Edition, juste à temps pour terminer l'émission ici. Oui, c'est déjà tout pour une autre édition du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 13h à 15h. On rappelle les jeudis de 17h à 19h. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès C'est Fou les mercredis de 15h à 18h. C'est juste après le Mathieu Plante Show si vous écoutez en direct. Vous pouvez consulter la programmation complète sur sif.ca, retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Je vous invite aussi à aimer la page Facebook sur facebook.com/MathieuPlanteShow. Et de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye!